écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Là, je suis triste pour toi. Mm-hmm. Fait qu'à la place, on va remplacer ces souvenirs-là dans ma mémoire avec des faits véridiques, véritables et vérifiables. Voilà. Voici, c'est un fait. C'est un fait, la chronique de faits. Hein? Véritable, véridique et vérifiable. C'est ça, les trois V. J'ai les tues, là. T'es pas dit dans l'ordre, je pense. Mmh. C'est toujours ça le problème. Répète ça. Véridique, vérifiable et vérifiable. Non, véritable. C'est véritable et vérifiable. Oh. Et maudit, pensez proche. Walt Disney, qui a refusé à Alfred Hitchcock de filmer un de ses films à Disneyland au début des années 60 parce qu'il avait fait ce dégoûtant film qu'on appelle Psychose. Oh! Walt Disney a pas aimé Psychose. C'est un petit couteau dans la douche. Mais tu sais, en même temps, c'est correct pour Walt Disney. Ben oui. Ils veulent préserver leur image. Et voilà! De plaisir et de magie. Ils font les affaires croches dans le cave. Pierce Brosnan. Tu connais James Bond, Pierce Brosnan? Oui. Qui, selon son contrat, n'avait pas le droit de porter un tuxedo complet dans un film qui n'était pas un film de James Bond entre 1995 et 2002. C'est logique, parce que tu l'associes une fois dans son habit avec James Bond. Ah oui. Ça aurait été traître un peu. Il n'avait pas le droit d'avoir un nom qui comporte trois chiffres. 007. Top. Ouais. Ouais, discutable. Pas fort. Dans la scène dans le film Alien, où l'extraterrestre sort de l'estomac de John Hurt, Jean Douleur, oui. Les acteurs... se sont pas fait dire que ça allait avoir lieu pour qu'ils soient surpris. Ah, pour de vrai? Quand ça sortait. Ah, ça, c'est une bonne tactique. Ça. Bonne chose. Ouais. Au secondaire, Robin Williams, l'humoriste américain, a été voté à la personne qui avait le moins de chances d'avoir du succès dans sa carrière, dans sa vie. Mm. Ben, je te dirais que c'est un peu... ces films, c'est oui ou non. Hein? Ben, c'est ça. Moi, si ça avait été genre le gars qui a le plus de chances de me taper ses nerfs, il aurait pu gagner aussi. T'sais. Ah oui? Il me dit, il est trop en même temps. Ouais. Pas capable de se calmer un peu. Ben Stiller. Oui. Mm-hmm. Qui amène ses propres bagels dans un sac de plastique au restaurant et demande à l'équipe, à la gang là-bas de le faire cuire. Ben écoute, quand tu peux te permettre ça. T'sais. Mais je sais pas pourquoi il va là. Ben tant qu'à ça, fais-le donc. Oui, c'est vous, ça. Mais ben, achète-toi une petite cuisinière à ma... une petite cuisinière. Un petit faux grille-pain. Là. Ouais, ben quelqu'un qui fait à manger pour de vrai chez vous. Voilà, chef. Un chef. Mm-hmm. Sinon, à l'âge de 15 ans, Sylvester Stallone a été choisi. Encore une fois, on parle de vote là, dans les, le livre de... Des votes, là, mais au secondaire. Bref, c'est lui qui a été choisi, qui avait le plus de chances de mourir dans une chaise électrique. Par ses collègues de travail, ses quickies, ses... Ouais. Ben, il, d'après moi, dans 4 films, au moins, il est mort dans une chaise électrique, mais il est pas vraiment mort. Ah! Ah, un film, c'est pas vrai. Ah. Le chanteur de Muse, Matthew Bellamy, a le record Guinness pour le plus de guitares pétées lors d'une tournée. 140 guitares pendant la tournée Absolution Tour. Mm-hmm. Pas pire, ça. Au total, Daniel Radcliffe a utilisé 160 paires de lunettes, des fausses lunettes, évidemment, entre le début et la fin de la série de films Harry Potter. Bravo! Josh Hutcherson, qui est un des acteurs du film Hunger Games, la trilogie. Il a lu la trilogie complète de Hunger Games en 5 jours pour se préparer pour jouer le rôle de Peter. Peter. Ben oui, ça, on n'aura pas le choix de l'écouter. À la fin de la chronique, oui, ça s'annonce comme ça pas mal. La pile d'excréments, dans laquelle le jeune Jamal saute dans le film Slumdog Millionaire. Ça, c'est quoi? C'est le pouilleux millionnaire en français. J'ai toujours détesté ce titre. Ouais, le pouilleux. Ouais. Mais quel bon film. Oui, excellent. Oui. En fait, cette montagne d'excréments, c'était une combinaison de beurre d'arachide et de chocolat. Mm-hmm. C'est comme de sauter dans un Reese. Ah oui, c'est vrai. Miam. Il pourrait avoir la toune poche du beurre de peanut puis du chocolat qui danse ensemble. L'annonce de Reese, c'est vraiment pas bonne. Non, ouais, je sais pas. C'est comme du beurre de peanut qui danse avec du chocolat puis là, ils s'enroulent ensemble. Ah, c'est original. Ah. Mon Dieu, j'aurais pas dû en parler. Jackie Chan, parlons de Jackie Chan à la place, qui est une vedette de la pop en Asie. Il a sorti plus de 20 albums studio et souvent va chanter la chanson thème de ses films. Cool, hein? Mm-hmm. Cool. Les patins à glace en sport maintenant, comme tu remarques. Oui. Les patins à glace ont été inventés en Finlande il y a 5000 ans. Mm. 5000 ans! 5000 ans. Depuis 1965, il y a eu exactement 12 morts au Daytona International Speedway. Ça, c'est les courses de Hall. Depuis 65. L'association du basketball, the Basketball Association, a démarré en 1946 et a fusionné avec la plus petite National Basketball League en 1949 pour créer ce qu'on connaît maintenant sous le nom de NBA. Mais dans le fond, ça a pris le nom de la plus petite association. Ben, il y avait peut-être le nom le plus cool. Oui, NBA, c'est bien plus cool que de dire la BA. La BA. C'est plate, la BA. Ouais. Depuis les dernières années, ce qu'on appelle le bicycle jousting. Jousting, c'était l'affaire avec un bâton sur des chevaux, ça, hein? Je sais pas. Jousting. Regarde, on voit. Jousting. J-O-U-S-T-I-N-G, s'il te plaît. C'est devenu un sport populaire underground. Il y a des compétitions comme ça, underground, à New York et dans d'autres villes, d'autres métropoles où on fait ça. Moi, je pense que c'est l'affaire avec un gros bâton et les chevaux, sauf que sur des vélos à la place, d'après moi. Là, jusqu'à maintenant, tout ce que je trouve, c'est des affaires de Justin Bieber. Jousting c'est Bieber. C'est vraiment pas des fans. C'est très... Lui, contrairement à un bâton, finalement. Oui, oui, c'est un... c'est les... un peu facile, ça. Tu sais, oui, c'est ça, les bâtons pour qu'ils fassent ça de la joute, là. Exact. C'est la joute. Voyons, comment la ça joute. S'appelle, là, des... Il y a un film là-dessus, là. Le gars, il est blond. Chevalier. C'est pas ça. Ça élimine quelques titres, mais... Comment ça s'appelle, donc, des... Bon, en tout cas, bref. Droit de réplique. Droit de réplique. Donc, jousting, c'est ça, c'est bien intéressant. Moi, j'adore Jousting Bieber. C'est vraiment drôle. Très drôle. Les humains sont les meilleurs coureurs sur une longue distance de la planète. On est capable de battre les chevaux et toutes les autres espèces d'animaux dans des courses de durée d'un marathon. Donc, pour une longue distance, les humains gagnent. Bravo. Mm-hmm. Le plus jeune golfeur à avoir fait un trou d'un coup, avec quel âge selon toi? 3 ans. Ah là, quand même, t'ambitionnes. 5 ans. 5 ans. C'est Kobe Orr, 5 ans, de Littleton au Colorado en 1975. Les Américains dépensent plus de 630 millions de dollars par année sur des balles de golf. OK. Avant 1850, les balles de golf, parlant d'elles, étaient fabriquées de cuir et étaient remplies de plumes. Ça partait et ça s'envolait. Ouais. Prends ton envol. Oui, laisse-la. Au lieu de faire des batailles d'oreillers, faisait des batailles de balles de golf. Voilà. la nage synchronisée, au départ, ça s'appelait le ballet aquatique, water ballet. Et c'était performé dans des lacs et des rivières, aussi bien que dans les piscines. Mm-hmm. Mm-hmm. Ils ont trouvé que c'était une mauvaise idée quand ils ont fait ça sur la rivière qui donnait sur une chute. On s'en va en bas! Non, t'as pas sauté. Dans les débuts du baseball, les joueurs n'utilisaient pas de gants et attrapaient la balle avec les deux mains. Ah, ouch. Ouais. Tu l'évites. Ouais. Non, moi, je l'ai raté. Selon l'association, et là je veux dire en anglais, Association for Pet Obesity Prevention, l'APOP, c'est la prévention de l'obésité chez les animaux de compagnie, environ 50 millions de chats sont obèses. Oui. J'ai pas vraiment de misère à croire ça. Non, c'est ça. Ce qu'on appelle un autre chat qu'on appelle le Canadian Hairless, le Sphinx. Tu connais le Sphinx? Le Sphinx. Celui qui a comme la poêle en verre, là. Mm. C'est-à-dire que c'est comme l'intérieur de sa peau. Bref, c'est la première sorte de chat qui a duré aussi longtemps. Cette espèce-là existe depuis 1966. Et ils disent que ça fait longtemps, 1966. Il me semble que moi, je pensais que les chats duraient tout depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais les autres espèces doivent être plus jeunes. C'est spécial. Les Maine Coons, tu connais les Maine Coons? Mm-hmm. Ça, c'est des gigantes. Tu peux le dire si tu sais pas, hein? Non, mais ça me dit quelque chose. C'est des gros chats qui ressemblent à des lions, genre. Oui. Ils sont quand même insupportablement gros. bref, c'est la marque de chat la plus grosse. Ils peuvent peser jusqu'à 24 livres. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est l'équivalent de 24 livres de beurre. la plupart des chatons naissent avec les yeux bleus. Et la couleur change avec le temps. Mm. What? Après la chirurgie. What? Les moufettes peuvent envoyer leur spray avec une grande précision jusqu'à 16 pieds. 16 pieds! 16 pieds. ça, c'est comme... c'est 2 fois 8 pieds, ça? C'est 4 pieds! C'est ça, 16 pieds? Non, c'est pas ça par tout. 16 pouces, c'est 4 pieds. Mon système t'a inversé dans ma tête. Oh là là. C'est combien? C'est gênant. Oui, c'est vraiment gênant. En fait, pas du tout. Qui est capable de me calculer la conversion entre les pouces et les... ici, là, live? Mon iPhone. Oui. Mais sauf qu'il va avoir des petits points dedans. Ça mesure 3-4 gouttes d'eau. Oui. Par 16 choses qui ont l'air leur dire des étoiles. Les scientifiques disent que les papillons voient en vert, rouge et jaune. Intéressant. Les scientifiques, ceux qui disent ça. La Chine est propriétaire de tous les pandas du monde. Si un panda à l'extérieur de la Chine, c'est qu'il est loué. La Chine, propriétaire de tous les pandas. Chrysopelea, c'est une espèce particulière de serpent. Et là, j'ai des doutes, on dirait, mais c'est sûrement vrai parce que c'est sur Internet. Tu cherches-moi ça, un Chrysopelea. Ouais. C'est une espèce de serpent qui peut voler. Qui peut voler. C-H-R-Y-S-O-P-E-L-E-A. Trop long. Hein. Non, attends. Moi, genre, je sais pas, là. J'aimerais ça voir une vidéo de ça en train de voler pour vrai. Là. Donc, YouTube. Oui. Faisons ça live en ondes. Fais de la bonne radio. Oui. Attends, moi, je suis dessus, là. C'est OK. Je suis dessus. C'est dégueulasse. Je tape autre chose pour ça. Il a plus l'air de glisser que de voler. Je pense qu'il plane. Mais peut-être qu'il plane. Ouais. Il est plus comme un aéroglisseur. Ben, comme un écureuil volant? Oui, peut-être. Moi, je pense que c'est plus ça. John Evans, qui a le record du monde pour avoir balancé, équilibré, 275 pintes de bière sur sa tête. Ah oui, OK. 275 pintes de bière, bravo. Méchante grosse tête, comme on dit. Le visionnaire de chez Nintendo, Hiroshi Yamauchi, qui est mort récemment, il était propriétaire des Mariners, l'équipe de baseball, mais il n'est jamais allé voir une seule partie. Il a dit « Je n'aimais pas vraiment le baseball ». Moi, je suis un peu troublé. Je suis en train de regarder le vidéo du serpent. Ok, oui. Puis c'est un peu tôt le matin pour regarder ça. Est-ce qu'il plane, là? Écoute, ça va tellement vite. Wow. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il plane. Puis je pense qu'il jump, en fait. Parce qu'il va. Il va vraiment, vraiment vite. Wow. Hey, j'aimerais ça être de ton bord. Non. Non. je te confirme. Moi, je suis pas un grand fan de serpent. Il me dérange pas tant que ça. Mais voir qu'une affaire comme ça peut aller genre comme à 100 km/h. Je suis tout le temps bien content de pas en avoir en Amérique du Nord. Ouais. En tout cas, dans notre région. Ouais. Le 18 septembre dernier, c'était la journée nationale du cheeseburger. Et. J'ai même pas pu en fêter. Attends un peu, c'était quand le 18? On est le 23. Ah, je suis mal tombé, là, parce que moi, c'était en fin de semaine, samedi, que j'ai mangé un burger. Oh. C'était la journée aussi, le 18 septembre, des carrés au Rice Krispies. Ah, oh, quel repas parfait! La combinaison gagnante! Wow, une journée idéale. Et voilà. Un billet de Super Bowl pour cette saison-ci va valoir 2600$. Les billets pour le Super Bowl 1 n'ont coûté que 12$ dans le temps. Mm-hmm. Petite différence. Ouais. À peine. Le syndrome de l'accent étranger est un effet secondaire très très rare d'un traumatisme au cerveau. Les patients vont parler leur langue normale, mais avec un dialecte étranger. Donc, on va avoir un accent d'un autre pays. Oui. Étrange. La personne de l'année de Time Magazine, c'est Time Person of the Year. Ça contient le premier, le deuxième et le troisième des noms communs les plus populaires de la langue anglaise dans l'ordre. Donc, Time Person a Year. Et j'imagine of the, c'est les articles les plus utilisés aussi. Les plus... C'est quand même assez évident. Time Person of the Year. 5% des chats sont allergiques aux humains. C'est drôle, ça. Les gens du Royaume-Uni envoient 300 millions de cartes de fête par année. Tout écrit la même affaire. C'est ça. À leurs chats. Oui. Parce qu'ils sont loin, leurs chats, parce qu'ils sont allergiques. Puis qu'ils sont allergiques, oui. Depuis 2012, la compagnie Kigou a vendu plus de pyjamas, c'est des onesies en une pièce, avec des pandas dessus, que le nombre de pandas qu'il y a sur Terre. La compagnie de pyjamas. Dans les années 1800, on pouvait engager ce qu'on appelait un 14e. Et là, le mot est en français dans mon article. 14e, c'était le 14e invité d'un souper pour éviter d'avoir 13 personnes autour de la table. Ben oui. C'est malchanceux, ça. Il appelait ça aussi, dans un autre contexte, le dîner de cons. Oui. Lundi au jeudi, 11h. Les bonbons Starburst, tu connais? Oui. Sont végétariens au Royaume-Uni, mais pas aux États-Unis. Ah. J'imagine de la graisse d'animaux, des affaires comme ça, je sais pas. J'ai pas regardé les ingrédients, mais quand même. La vieille limousine de la reine avait une petite tablette. Elle s'est fait installer une petite tablette entre les deux sièges en avant parce qu'elle avait pas de place pour mettre son sac à main. Ah. Et là, si tu regardes la photo, ils ont vraiment fait installer un petit rack. Ouais. C'est bizarre, pareil. La reine a fait changer ça, modifier son char. Ouais. Ouais. La sacoche, ça va sur le siège en arrière, d'habitude. Ben ouais, ou dans la valise. Ou sous les genoux du monsieur. Et voilà. le nom, tu sais, devine ce que c'est, une vibrissée. V-I-B-R-I-S-S-A-E. Une vibrissée? Si tu l'avais pas appelé, j'aurais dit sûrement un nouveau char, là, la vibrissée. Et vibride. Vibride, j'adore ça. C'est le nom technique pour les moustaches d'un chat. Oh, vibrissé. La femme moyenne va mettre combien de choses dans sa valise qu'elle n'utiliserait pas pendant qu'elle est en vacances? Elle va faire sa valise. Combien de choses est-ce qu'elle amène qu'elle utilisera? En pourcentage ou en chiffre? En chiffre exact. Moi, je dis que... Sans dépasser, comme à Price is Right. OK, 24. Tu gagnes! Parce que t'es le seul. Mais c'est 26. Wow! T'as pas dépassé, sinon t'aurais perdu. Mais je suis quand même tight. T'es vraiment tight. C'est ce que je dis souvent. O.J. Simpson allait jouer le Terminator, mais a été coupé du film parce que le réalisateur pouvait pas l'imaginer comme tueur. Ah oui. Pas crédible. Non, il pensait juste à lui dans l'agent fait la face. Oui, exactement. Les femmes parlent disent combien de mots par jour, selon toi, en moyenne? Combien de mots par jour pour une femme? OK, 7000. Il a ouvert le lien. Il a ouvert le lien, dit. Il sait la réponse, il a crié dessus. C'est pas fort. Comment? Mais non, en fait, c'est très fort. Oui, oui, bravo, t'es juste dessus. Les hommes, dans ce cas-là? Plus ou moins. Non, j'ai juste vu le titre. La moitié. C'est 2000 mots. C'est la moitié. 2000 mots pour un homme, 7000 mots pour une femme. Voilà. Qu'est-ce que la sénosilicaphobie? Séno? Oui. Silica? Oui. Ah, t'es proche, t'es proche. Phobie. Donc, la peur de... Ah, je sais pas, c'est nous. C'est non, mais poche. Non, je sais pas, je suis pas très bon avec c'est les... C'est pour voir, celle-là? Non. C'est la peur d'avoir un verre de bière vide. Ah! Ouais. Ben voilà. C'est nos silicaphobies. Une rafale, il nous en reste quelques-uns. Frapper ta tête contre le mur, ça va brûler 150 calories par heure. Let's go. Let's go, on est parti. Deux frères ont hérité d'une île, en fait, d'une île à Hawaï. Et après avoir refusé de vendre... Attends un peu. OK. Ils ont hérité... C'est difficile de la traduire. Attends un peu. Deux frères ont hérité une des îles d'Hawaï et ont refusé toutes les offres du gouvernement, dont $1 milliard du gouvernement américain qui voulait racheter l'île. Ils ont dit non, et t'as nous autres. Wow! Moi aussi, j'aurais dit non, là. Ben là. C'est pas tous les jours qu'on peut se vanter d'avoir une île. Non, tu gardes ça pour toi. 28% des professionnels de réparation d'ordinateurs, bref, de réseaux, de trucs comme ça, c'est ce qu'on appelle le IT, cachent leur carrière de leur famille et amis parce qu'ils ont peur de se faire demander tout le temps du soutien technique. Ça devient gossant. Les bilingues peuvent être dyslexiques dans une langue, mais pas l'autre. Oh! C'est fascinant. Fascinant, oui. Vraiment, t'es bilingue. Les écoles françaises n'ont pas le droit de servir du ketchup avec la nourriture qui est appelée française, nous dit-on sur Internet. Moi, j'ai de la misère à le croire, cela, mais les écoles françaises ne peuvent pas servir de ketchup avec la nourriture française. Mais ils peuvent servir du ketchup. Du ketchup. Les prêts étudiants sont la plus grande forme de dette aux États-Unis, à part comment t'appelles ça? L'hypothèque. L'hypothèque. À part l'hypothèque. C'est à 1,1 trillion de dollars en ce moment, les prêts étudiants. Le temps dédié aux pauses publicitaires par demi-heure dans un épisode d'une demi-heure a doublé depuis les années 50. Wow, tu sais, maintenant, on est chanceux, on a 20 minutes. Pas misère à croire. Non, puis t'enlèves le générique, puis il ne reste pas grand-chose. Avant Jaws en 75 et Star Wars en 77, les étés étaient considérés comme la saison genre cimetière, si on veut, pour les sorties de films. Donc, tu sortais ton film là, t'étais sûr qu'il marchait pas. Ah, wow. Un peu comme les émissions de télé de nos jours. Pourtant, maintenant. Pourtant. Et justement, pour la télé, ça change aussi. Ça, c'est intéressant. À un certain moment, l'armée américaine utilisait des gens daltoniens pour repérer les couleurs de camouflage que les gens avec une vision normale ne pouvaient pas voir. Parce qu'eux, ils sortaient du lot. C'est pas génial, ça, comme idée. Wow. Seulement 2% de la population du monde est blonde, nous dit Internet, encore une fois. Donc, blonde naturelle. Oui, naturelle, évidemment. 2%. La raison principale pour laquelle les lunettes sont si chères, c'est que plus de 80% des manufacturiers, compagnies qui fabriquent des lunettes, sont une propriété de Luxottica Group. Donc la plupart des magasins et des compagnies de lunettes sont sous Luxottica Group, qui peuvent charger comme ils veulent. Et finalement, le prix d'admission dans un zoo au 18e siècle en Angleterre était un chien ou un chat qu'on nourrissait au lion. Ah oui, t'as venu avec ton propre chat? Ton Maine Coon! Ouais. Tu fais faire entrer ta famille de 12. Et voilà. C'est ça. Voilà pour cet un fait. On est loin d'apporter une canette de Coca-Cola à la ronde pour avoir un rabais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, bonjour Maxime, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton iPod aujourd'hui? Écoute. J'adore ta chanson, sérieusement. Là. J'aime vraiment ça. Ça suffit que je peux être baveux des fois aussi. Là, avec, je connais plein de trucs. T'es hipster un peu. J'étais un petit peu. T'es pas le type, mais tu pourrais, en tout cas. Je pourrais, ouais. Je pourrais facilement. Effectivement, je pourrais le devenir. Là, tu sais, avoir le look, si je me contrôle pas, là. Ouais, exact, exact. Là, t'es gentil, mais tu pourrais avoir l'air un peu plus baveux, maintenant. Ouais, je pourrais être baveux, tu sais, mais comment ça se fait que tu connais pas encore ça, là? C'est ce qu'il y a groovy, ces temps-ci, en tout cas, bref. C'est très branché et tout. Et écoute, ça va être une expérience, parce que la semaine passée, j'ai fait découvrir du country, qui moi-même, j'ai découvert le country par l'entremise de Steve Earle, et j'ai un peu le même principe, j'ai découvert le hip-hop. Le hip-hop? Ça existe, ça? C'est quoi, ça? Ça existe. C'est un style de musique très électro, non? Mais le hip-hop, dans le fond, que je connaissais vraiment très, très, très vaguement avec les Eminem, avec les Kanye West, qui sont probablement les deux plus accessibles dans le hip-hop pour l'homme non initié. Là, ben, comme moi qui connais rien au hip-hop, j'aime bien Eminem quand même. Oui, c'est ça. Puis Kanye West, c'est quand même c'est très bien produit. C'est bien fait, des albums incroyables. C'est original. Mais c'était vraiment, je connaissais la surface. Et là, en travaillant dans un endroit qui comporte trois lettres, j'ai découvert d'autres styles de hip-hop. Donc, un hip-hop qui est plus gangsta. Qui, moi, dans ma tête, gangsta, ça sonnait Lil Wayne. Puis j'aime pas Lil Wayne. Sans offense pour T'aimes les gens. Pas le vocoder? Non, puis j'avais de la misère avec le côté, justement, tu sais, le gangsta, c'est beaucoup vulgaire, c'est très « Yo Street, on va se battre, puis on va faire de la coke après, puis on va boire du liquide mauve, puis yeah, yeah ». J'aimais pas ça, puis je trouvais que c'était comme... C'était tout le temps la même affaire. Et j'ai découvert deux artistes qui m'ont ouvert à la nouvelle vague de hip-hop qui commence à se développer énormément, au nouveau son du hip-hop aussi, qui a une influence très gangsta dans le style, mais qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus travaillé. C'est sûr que la vulgarité va être encore présente, malheureusement. Et je vois qu'il y a un signe de pièce encore dans le nom. Oui. On peut retrouver le Keisha, etc. Exactement, ça, c'est purement la tradition hip-hop gangster. Ouais. Et ASAP Rocky, dont tu parles, qui lui-même fait partie d'une collaboration, d'un groupe collaboratif qui s'appelle ASAP Mob. Okay. Donc, la plupart des membres, il y a ASAP Rocky qui a sorti son album au début de l'année. Il y a ASAP Ferg qui vient de sortir son album également. Puis il y en a d'autres aussi. ASAP Max, mettons. Moi, ça pourrait être ASAP Max. Okay, ouais. Puis ASAP, je pense que c'est une expression américaine pour dire comme OPC, maintenant, là, on le veut plus. Oui, exactement. Okay. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de cette nouvelle vague de hip-hop-là, parce que le hip-hop a quand même voyagé énormément. Ça a commencé avec plusieurs années en plus. Oui. Des fois, je dis, c'est pas nouveau. Là. C'est pas nouveau ça, plus nouveau. Là. Ça fait 30-40 ans. Oui, c'est ça. Là. Puis même ce que je connaissais du hip-hop généralement, c'est ce qui se passait dans les radios commerciales. Oui. Donc, c'était les 50 Cent, c'était les... La pop, là, finalement. Ça en est de la pop. Hip-hop-pop. C'est de la hip-hop-pop. Vraiment. Non, mais ça... mais c'est quand même ça, pareil. Oui, tout à fait. Et là, c'est ça. Je découvre la nouvelle vague qui a des chansons des fois plus longues un peu, qui a des paroles plus profondes, beaucoup plus centrées sur leur passé. Parce que généralement, les gens qui font du gangsta, à moins que ce soit vraiment parce qu'ils trippent, c'est qu'ils ont un passé assez particulier. C'est le cas un peu des deux que je présente aujourd'hui. Mais c'était aujourd'hui. Le but, gangsta, c'est que les gars, c'était des criminels. Oui, c'est ça, c'est ça. Ou à la police. Exact. Et que la vie pas facile. De faire cette forme de hip-hop-là est une façon aussi de sortir de ça. Ouais. Exactement. Et un peu comme un alcoolique va boire de la bière 0.5, mais eux, c'était on va garder quand même... on va tremper là-dedans, mais on va peut-être essayer d'avertir les gens que, regardez, c'est ça, la réalité. Elle est dure, la réalité. Donc, nos paroles vont être dures, notre musique va être dure, même la façon qu'ils vont... leur flow, qu'on dit, là, la façon qu'ils vont rapper va être très dure aussi, t'es un peu plus agressive. Donc, c'est ce qu'ils veulent présenter. Et moi, je vais commencer avec ASAP Rocky, que j'ai découvert un peu sur le tard, il n'y a pas longtemps. Qui, lui, a sorti son premier album. Le gars, il a 24 ans, c'est épouvantable. Il s'appelle Rakim Myers, en fait, son réel nom. Il vient d'Harlem, à New York. Donc, on est en plein dedans, là. Son album Long Live ASAP, qui vient juste de sortir, qui est un des albums les plus anticipés au niveau du hip-hop. Cette année, justement, le style gangsters. Fait qu'il va avoir c'est vulgaire, je vous avertis tout de suite. Celle-là est pas si pire, Long Live ASAP, la chanson qu'on va entendre, chanson-titre. Mais il y a une chanson qui s'appelle Fucking Problems. Là. C'est dans la vulgarité même. Mais c'est une histoire de rue. C'est le gars, il l'a pas eu facile. Je raconterai pas son histoire complète, là, mais il l'a vraiment, vraiment, vraiment pas eu facile. Il a fini par se retrouver dealer de drogue. Il a fait un peu de prison. À 24 ans, là, il en a vécu quasiment plus que j'en ai vécu moi-même. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas un son qui est léger. Il y a une lourdeur là-dedans. Il y a une histoire qui est racontée. C'est ce que je trouve intéressant. Et vous allez voir, tantôt, je vais vous faire écouter autre chose. Lui, son hip-hop, sa nouvelle forme de hip-hop, je le dis comme ça. Dans le fond, c'est un hip-hop qui est plus... que je trouve plus travaillé, beaucoup plus sur les sons, plus mélodieux. Plus profond, même, on dirait. Plus profond. Il y a beaucoup dans la chanson, vous allez entendre dans le refrain, il chante le refrain avec une voix en falsetto, qu'on appelle une voix de tête. Et il y a une petite guitare qui va jouer en arrière, en background. Fait que c'est de quoi de plus travaillé, je trouve, que le hip-hop avant, qui était beaucoup plus dans les samplings puis dans les choses comme ça. Donc, on va entendre la chanson Long Live ASAP qui ouvre l'album du même nom. avec un beau sample de Tonnerre. Excellent. Merci, on écoute ça tout de suite. Oh yeah! Expensive tasting women. Ain't had no pot to piss in. Now my kitchen full of dishes. Nose bloody from that sniffing. Yo, heroin addiction. Trigger finger itching. Fuck parental supervision. This be that murder business. Little Timmy got that semi. I ain't kidding. Hide your kittens. Hit your children's with that smith. A bunch of ignorant little necklace. Hard headed, never listen. Purple sipping, finger twisting. Teeth glisten like it's myth. A bunch of hypocritic Christian. The land of no religion. My Santa Claus was missing. Catch you slipping, then it's Christmas. Motherfucker wishless. My ghetto was ambition for my binges and my Bentley and them bitches. Now I get on the road to riches. A diamond rings, a diner jeans, soaking on that biscuit till I'm no longer existing. I wonder if they miss me. As long as I make history, now my soul is feeling empty. Tell a reaper, come and get me. Who said city like that motherfucker mine, or token on that semi, rob a motherfucker blind, license plate say wipe me down, car from 1989, but a nigga sit so pretty, call that motherfucker fine, lost your motherfucking mind, what's on your mind, niggas talking down, never talk to cops, make a talk to God, when I talk that nine, you ain't talking nine, tell him watch your spine, I mean watch your back, better guide your track, better not look back, that stay in line, don't step on cracks, or you break her back, I'm talking about your mind, cause there's killers in my time. Making hits, sniffing lines, yeah. Out committing crimes. Wait for shit to simmer down. Corrupted little minds, 8 and 9 finna shine, yeah. On the grind, do your dirty. With the shimmy, shimmy, yeah. Where they shoot without a purpose. Services and hearses. Kids who ain't deserve it. Can't survive but then you're worthless. Strangers make me nervous. Who's that peeking in my window with the pistol to my curtains? Who said so she popping on this dick. Make her R.I.P. the pimp. Can't forget little flip. And I take it out to Memphis. And shout out to 666. Who said you Excusez, j'ai plus rien, excusez. Oui. Ah, j'avais un problème avec ma connexion, Quand j'ai pesé, c'est drôle. Ah, mais à la seconde, j'ai pesé sur le piton. Moi, j'entendais plus rien. Fait que là, j'ai pensé qu'il y avait un bug. OK. Désolé. J'ai vu tes yeux de détresse. C'est exactement ça. T'as lu la vérité dans mes yeux, finalement. J'étais un peu en détresse. Ah là là. Donc, ce qu'on vient d'entendre, pardon. Oui. Donc, A$AP Rocky, Long Live A$AP, chanson titre de son album, qui a sorti dans le fond avec lui, a fait un mixtape. Et là, c'est son premier album qui lance. Et là, donc, comme vous voyez, c'est sûr qu'il y a encore des motherfuckers qui se sont dit. Puis, il y a encore l'attitude des oh. Il y a les clichés. Ouais, mais il faut que ça reste dans le. Sinon, ça serait plus du gangster rap. C'est ça. Mais c'est ça. Exactement. Et je trouve qu'il y a une richesse. Et justement, tu m'as dit en hors d'onde. C'est le fun parce que le refrain était rafraîchissant un peu parce que c'est pas la fille qui se frotte ses chars qui le chante. Ouais, ouais. C'est le gars lui-même. Et ça fait profond, pour vrai. Ça fait très profond. Puis ils ont des belles voix. C'est pas parce que tu rappes que tu peux pas chanter. Et je pense que c'est ça qui est en train d'être brisé comme credo que souvent, mais le chanteur, le hip-hopper, le rappeur, ouais, va chanter ses refrains. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis moi, j'aime ça, des voix de tête. C'est pas, oui, une toune au complet de même, non, mais non. Dans des bouts d'une toune, je trouve que c'est hot, oui, de le surtout faire. Surtout que ça fait super contraste, parce que ça tout ce qu'il y a dans le refrain... Ça donne vraiment une ambiance glauque un, oui, peu. Tu te sens vraiment... C'est introspectif. Oui, exactement. Puis dans le cas de cette chanson-là, tout ce que tu entends, autre que ça, c'est la grosse bass, ouais, dans le fond, mais vraiment super, super basse. Fait que ça vient comme des petites faire la clochettes un peu mystérieuses. Oui, là, oui, oui. C'est vraiment... J'ai su apprécier. Pourtant, je suis pas du genre non plus très hip-hop. C'est ça. Puis moi non plus. Puis vraiment, ces deux artiste-là, j'ai capoté. Mais dans le fond, ce qu'on a vu de A$AP, c'est que son flow est un petit peu plus agressif. Ouais, il est vraiment dans le assez, gangster. Là, quand même. Là. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement ce qu'il va dire, mais dans la façon qu'il dit. On voit que le gangster le est débit, encore très... Là, ça roule. Exactement. Et même sa musique est très remplie aussi. Il y a rarement des espaces vides, seulement dans le refrain qu'il y en a une. Ce qui est le fun, justement. Moi, j'aime, oui, ça quand ça arrive. Là. Ça rafraîchit un, ouais, peu. L'autre que je voulais vous présenter, c'est Kendrick Lamar. Lui, il a 26 ans, donc encore très, très jeune. Là. C'est épouvantable. Comment tout je des petits jeunes. Hey, j'ai rien fait de ma vie quand moi je vois aussi, ça. Je me dis ça. Et lui, vient de Compton, en Californie. Donc, okay, c'est une autre scène musicale. Son album, lui, a été nommé, je veux dire, selon Pitchfork, mais selon. Les critiques ont été unanimes comme quoi c'est un excellent album. Okay. Ça a été dans beaucoup de top 5, top 10 consacré de l'année. Et Pitchfork l'a mis, le concédé meilleur album de l'année 2012. Ce qui est pas... En même temps, Pitchfork, ils ont dératé, puis faut les... Oui, ils ont dératé, sauf qu'ils sont pas mal la référence de tous les hipsters, justement. Oui. Tout le monde qui pour vrai, mais je trouve ça que... Mais moi, honnêtement, j'aime beaucoup Pitchfork. Je m'arrête pas souvent à ce qu'il y a des trucs qui sont complètement décalés, que je comprends, oui, pas que ça se retrouve là. Tout à fait d'accord. Tu sais, des fois, t'as juste un bruit désagréable pendant 20 minutes, puis les autres, ils trippent, là. Puis ils mettent 8.9, puis exact, c'est comme Best New Music. The Best New Music, c'est comme la voix. Là, tu fais OK, oui. Je dis OK, je suis loin là, de où ce qu'il y a. Autant qu'il y a des affaires qui sortent que je trouve puissants, puis qu'eux autres vont mettre un 5, puis ouais, il serait temps qu'ils arrêtent de. Oh, ouais. On ne se saisit pas, mais en même temps, les goûts sont dans la nature, comme toujours. Cela dit, Kendrick Lamar, ça m'a beaucoup intrigué qu'il soit nommé meilleur album de l'année. Je fais, ben mon Dieu, mais c'est qui ce bonhomme-là? La deuxième position, d'ailleurs, avait été Frank Ocean, pur désastre. Ouais. Et non, j'ai pas aimé. En tout cas, on s'en reparlera. Donc, Kendrick Lamar, son album Good Kid, Mad City, qui lui ici, en fait, c'est un album concept où il va raconter sa jeunesse à Compton, dans le fond, carrément. Et c'est, toutes les chansons, les pièces sont souvent entrecoupées de moments, de petites, okay, scénettes. L'album part avec... Des sons ambiants, des bruits. Des sons ambiants, puis souvent, c'est comme entre la première et la deuxième chanson, c'est ses parents qui l'appelle et qui laisse un message sur le répondeur. Et c'est d'un drôle, là. Parce que là, t'as vraiment la mère qui parle, qui dit « Kendrick, comment ça va? Papa, puis là, je t'inquiète. » Puis là, t'as le donne père pas de nouvelles qui se met à parler en arrière, tu sais. Puis c'est super drôle, mais tu sais, c'est réaliste. C'est, on voit, le gars, il raconte son histoire. Et c'est avec lui que j'ai vraiment découvert ce mouvement-là. Okay. The new rap, oui. Exactement. Donc, il va raconter toute son histoire. Puis on voit qu'il a vécu des passes plus dures que d'autres. Il y a des moments que c'est quand même, tu sais, c'est assez léger. Ça a bien été. Mais principalement la chanson que je vais vous présenter, donc Swimming Pool Drank, qui raconte un peu... Il y a eu beaucoup d'alcoolisme autour de Kendrick Lamar. Et c'est une chanson un peu de détresse de... Ben, tant qu'à ça, tu sais, je vais me lancer dans une piscine d'alcool et je vais me noyer dedans. Parce que il a tellement vécu de malheur avec ça. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool, que c'est une sorte de façon de l'exprimer avec D'exorciser ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, je vais vous montrer le contraste entre A$AP et lui. Lui, son son est beaucoup plus épuré. Très, très, très épuré pour du hip-hop. C'est super bien produit. Encore là, vous allez voir, son flow est un peu moins agressif que A$AP. Puis je trouve, personnellement, je préfère sa voix à lui. Mais même là encore, il va avoir un refrain qu'il va chanter lui-même, qui est très mélodieux. Donc, vraiment, c'est une chanson que j'ai écoutée en boucle dans la dernière année. Là, je l'adore, cette chanson-là. Donc, Swimming Pool, Drank, de Kendrick Lamar. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de con. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est tout relax. C'est sur YouTube, donc vous pouvez aller le voir aussi. Oui, puis la vidéo est incroyable. Enjoy! Pull up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it. Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna cure their sorrow. Some people wanna fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get f***ed up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, babe, watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pull up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it. Frank. Frank. Okay. Now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscience. If you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick. If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrived. This how you capitalize. This is parental advice. And apparently, I'm over-influenced by what you are doing. I thought I was doing the most, and someone said to me, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, babe, watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pull up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it. Frank. Alright, you ride. Bang. One chopper, 100 shots. Bang. Hop out. Do you? Bang. Two chopper, 200 shots. Bang. Alright, you ride. Bang. One chopper, 100 shots. Bang. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, babe, watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pull up. Drink. Headshot. Drink. Sit down. Drink. Stand up. Drink. Pass out. Drink. Wake up. Drink. Fade it. Drink. Fade it. Drink. Donc, c'était Kendrick Lamar avec Swimming Pool, Drank. Ça a bien été la transition, ce coup-là, Danny? Oui, oui, oui. J'avais peur, puis je t'ai fait signe. Hein, j'ai dit, je fais attention pour peser sur le mauvais piton. Donc, voilà, on voit un son qui est plus légèrement plus épuré aussi, dans le style aussi. Puis, comme je te disais, il y avait une autre chanson que j'aurais voulu vous faire écouter de Kendrick Lamar, mais que je trouvais qui faisait pas assez la différence entre les deux, entre ASAP et lui. Mais c'est Bitch Don't Kill My Vibe. Donc, si jamais vous avez apprécié ce que vous avez entendu, allez voir ça, allez écouter ça. Autre excellente chanson. En fait, l'album est excellent. Mais comme je vous dis, c'est un album à écouter peut-être plus... à écouter au complet. en fait. Ça serait important parce que, comme je dis, c'est un album qui est concept. Puis souvent, entre les chansons, vous avez des transitions qui vous amènent ailleurs. Et... Quand un album est concept, ben, de toute façon, moi, je suis un écouteur d'album. Je sais pas oui, toi, mais moi aussi. Oui, vraiment... oui, oui, oui. Moi, s'il y a juste une pièce sur un album, on dirait que je suis même pas intéressé par l'artiste. Même si non, j'adore non, la pièce, oui. On dirait que je suis pas comme. On dirait que c'est, je suis pas honnête avec moi-même. Oui. S'il y a juste une pièce que j'aime, c'est qu'il y a de quoi avec le Ben. Là. Mais moi, j'ai une vision de ça qui attire souvent la critique de mes amis. Oui, oui, je veux savoir. Pour moi, tu sais, c'est comme si un film... C'est un peu la même vision que j'ai pour les compilations. Les albums de compilations. Même chose. Je déteste ça. Moi aussi. Ah, ça me pue au nez. Et pourquoi? C'est que je vois pas un film compilation des meilleures scènes de Tarantino. Exactement. Ça n'a aucun sens, tu sais. Et c'est pas seulement, les gens font comme, oui, mais mettons, deux chansons, une après l'autre, parlent pas de la même chose. Non, mais le son, l'univers, l'ambiance, l'artiste, à ce moment-là, était-tu déprimé? Il était-tu en vacances? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était-tu l'hiver? C'était-tu l'automne? Les albums ont un son qui détermine un peu la session de travail, la session au moment où il a enregistré, il a écrit et tout. Si tu mets ça dans une compilation, mais là, c'est, ouais, là, j'étais déprimé au printemps, puis là, j'étais super heureux. J'étais super heureux le lendemain. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Puis c'est plate pour les artistes qui ont travaillé des fois à faire fonctionner un album en lui-même. Puis c'est ça. Puis moi, c'est que j'aime aimer des artistes. T'sais, les artistes que j'aime, oui. J'aime ça les aimer. Oui. Donc, si je l'aime parce qu'il y a une toune sur 13, c'est parce que je l'aime pas vraiment. Ben non, c'est juste c'est que ça a donné, qu'il a fait la fréquence puis la mélodie qu'elle me touche. Oui, exact. Je ne mettrai pas d'effort. Il y a tellement de musique que je ne mettrai pas d'effort à écouter un album qui a juste une pièce dessus. Puis, je vais skipper. Ah, puis la 6, ouais. Après non, le reste, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est impensable. Non, effectivement, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. C'est exactement, je vais aller voir un film, mais finalement, il y a une scène que j'ai aimée, ben, je ne réécouterai pas le film. C'est un peu, je pense, que tu vas le dire. Tu sais, quelqu'un, des fois, va dire, je vais t'envoyer l'MP3. Non. Non. Envoie-moi l'album. MP3, ça va. Oui, oui, oui, mais oui. Envoie-moi pas juste une toune. Même s'il y a juste une toune que j'aime pour l'instant, si je sens que je vais aimer l'album, envoie-moi c'est l'album, ça. Justement. C'est ça, c'est fais-moi ça. Découvrir le tout, là. Exactement. Exactement. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est plus pratique, par contre, souvent, de. Oui. C'est pas des gens qui sont maniaques comme nous autres. Nous autres, en tout cas, moi, ouais. Je me considère un peu obsessionnel maniaque, là-dessus. Fait que moi, je prends le temps des fois. J'ai dit un gros fakeux. C'est la première fois, je pense, que je dis fakeux. Ah, c'est à cause que t'es avec moi. Ça doit être ça. Je fais descendre. Non, non, mais c'est parce que, tu sais. Grosse discussion émotive. Fait que, au liable les conventions. Mais non, puis un pied en plus. Ailleurs? Quand est-ce qu'on s'ouvre une bière? Jeudi. Jeudi, à côté, je suis là. Et mais voilà, donc. J'ai tendance à. Non, pas trop, pas trop. J'ai tendance à écouter l'album pour avoir vraiment l'idée de quoi ça a l'air au complet. Puis. Puis tu le disais, la session, c'est quoi? C'est quoi le mood de l'artiste pendant exact. Cette période-là ou de cette benne-là? Moi, en tout cas, c'est important pour moi. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Danny. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Est-ce que tu serais capable de battre le record d'un an de travail? Là, je suis en train de mimer quelque chose que je n'avais pas mimé à la radio. Hein. Non! Parce que même moi, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux me faire dire. Là. Un an. Voici Kinky Sexy Time. C'est ça, finalement. C'était ça. Oh! Ah oh! Masturbation. Oh! Okay. Trop de détails. Donc, Kinky Sexy Time, c'est la chronique sœur de C'est un fait. Donc, connaître des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet et celle-ci pour un public plus ou moins averti. Oui, et sachez-le. Sachez-le. On n'est pas du genre à vous cacher les choses. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous, par contre, cachez-vous l'entrejeu. Oui. Bon. Donc, les orgasmes sont plus forts chez l'homme et la femme lorsque la femme est au-dessus. OK. C'est un fait, c'est prouvé selon une étude. Si la femme est au-dessus lors de la relation sexuelle, les deux ont plus de plaisir. Mm-hmm. Intéressant. À chaque jour, il y a plus de 120 millions de relations sexuelles qui se passent dans le monde. 120 millions. Les humains sont les seuls animaux à avoir des relations face à face. Oh, parce que d'habitude, c'est... C'est front to back. Ouais. C'est pas mal ça. Back to back. Back to back. La personne moyenne va passer combien de temps dans sa vie à embrasser? Dans sa vie à embrasser? C'est pas très long, un bisou, des fois. Non, non. Mettons, je dirais que c'est maximum 10 minutes par jour. OK, oh, quand ça va être long. Oh, ouais. ça fait 3600. Il y a un accès facile à la calculatrice sur l'iPhone à Star avec iOS 7. Oui, mais là, moi, j'ai plein de tâches. Ah, c'est vrai. Il est mort. Oui. Moi, je dirais, c'est dans la centaine, là. Dans les centaines de jours? Ah, de jours. Non, c'est pas. On y va en termes d'heures ou de jours. Ah, oui, OK. 50. 50. Non, c'est deux semaines. Deux semaines. Ouais. C'est pas beaucoup. Pas tant que ça. Les dindes peuvent se reproduire sans avoir de relation sexuelle, un petit peu comme Marie, hein, dans le célèbre roman acclamé, La Bible. La Bible. Ça s'appelle la Partogenesis. Wow. Partogenesis. Moi, tu vois, un Partogenesis, là, c'est quand tu te mets à jouer à Sonic sur ta vieille Genesis. Mais bon. Partogenèse, on va dire en français. Partogenesis. Avoir des relations dans une chambre ou une pièce où il fait chaud va améliorer la qualité de l'orgasme. C'est prouvé. Quand il fait chaud dans une pièce, t'as plus de fun. Ouais. Puis ça fait aussi plus de clap-clap. Parce que. Clap. Ça, c'est le bruit que ça fait. Floc, floc, floc, floc, floc, floc, floc. C'est ça que ça veut dire? C'est ça. C'est exactement ça. Je pensais que tu faisais des cloques. Non. Des cloches. Non. D'eau sur les mains tellement. Je suis nerveux. C'était un crime, en fait, d'être propriétaire de plus de 5 dildos au Texas jusqu'en 2008. Ah. 5 dildos. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Ça a plus de classe quand tu dis vibrateur, on dirait. Ouais, on dirait. Hein? Peut-être que je pourrais me retenir. En 2008, une femme a demandé le divorce de son mari après qu'elle ait découvert la prothèse qui lui servait de bout d'engin masculin. Ça a tombé pendant les relations sexuelles. Ah! Juste le petit le bouchon. Mon Dieu, je suis sûr qu'il faut que tu vois un psychologue après. Oui, c'est vraiment terrible. Et moi, je trouve que ça ferait un excellent sketch. Oui. Génial. Les testeurs de condoms reçoivent des condoms gratuits et 200$ de prix et bonus lorsqu'ils testent des condoms. Ça donne envie. Oui, mais il faut que tu en utilises. C'est ça. Avec quoi? Ouais. Tu sais, si t'as pas de... Si personne veut de... Ouais. C'est ça. La position du missionnaire est la position qui a le moins de probabilité d'amener les femmes jusqu'au climax. C'est prouvé, c'est la position la moins... qui va moins te faire venir, si on veut. Dans le monde entier, environ 35% des gens disent avoir eu seulement un partenaire ou une partenaire sexuelle. 30%? 35%. Dans le monde? Dans le monde. Wow. En effet. Un homme a été arrêté après avoir demandé... ça, c'est bizarre. Après avoir demandé des relations sexuelles à sa propre fille de 13 ans sur Facebook. Mais je sais pas s'il savait que c'était elle. Dans ma tête, je pense que non. Ça fait un petit fret au souper de Noël. Hein? Léger. Ouais. Léger. Les statues grecques. Tu connais les statues grecques? On en voit souvent dans les musées. Oui. Avec de petits engins. Oui. Petits engins. C'est parce que un gros paquet, c'était considéré comme grotesque et dégoûtant à l'époque. Ah. Donc, il leur faisait de tout petits masculins. Il est là, mais pas trop. C'est ça. Masculin singulier. Oui, qu'on appelle. La pression dans un engin en érection est plus que ce qu'un boa constricteur utilise pour suffoquer sa proie. Ah. Et hein? À quand la prochaine émission à Z Télé? Genre Snake versus Pernis. Après Sharknado. De beau. Attends, qu'est-ce qu'on fait un jeu de moins que ça? Snake on plane. Là, j'essaie de Snake on a plane woman. Ouais. Bref, un bois constricteur, c'est joli. Les canards mâles vont perdre et faire repousser leur engin à chaque saison d'accouplement. Oui. Comment t'appelles ça la saison du... La mue du pénis. La copulation. La mue du pénis. Oui. La mue du pénis, 7h45. le premier transplant d'engin masculin a été porté pendant seulement 2 semaines avant que la personne qui l'a reçu ait dû le faire réenlever. J'imagine que ça a pas marché. Il y a eu des petits problèmes techniques là-dessus. En 2006, un engin masculin a été cultivé en laboratoire et a réussi à être transplanté sur un lapin. Ah! Mais je suis mon lapin! On s'est trompé, on lui a mis sa tête. Oh, le pire, ça me surprendrait pas, il avait fait pousser une oreille sur le dos. Du souris. Ouais. Fait que ce serait pas. Ouais. Les hyènes, ça c'est l'animal, le hyène? Les hyènes. Les hyènes? Oui. Hyènes. Les hyènes. C'est ça, les hyènes, excuse-moi. Moi, je vais prendre les tiennes puis les hyènes. Le gars, il y a un Asian, un jeune fétiche. À la place d'être un Asian, c'est un hyène. Un hyène. Un hyène, jeune finish. Donc. Qu'est-ce que je disais? Les hyènes, oui, parce que c'est un H, pas de liaison, donnent naissance par leur clitoris, qui est environ de la grosseur d'un pénis masculin humain. Pas pire, hein? Eh ben. Schmuck, comme dans Dinner for Schmucks, là, le titre du film Le Dîner de con en anglais aux États-Unis. Oui. Schmuck veut littéralement dire pénis en yiddish. qui est la langue... en yiddish, bref. Oui. Schmuck. Si on voulait vraiment mettre au pluriel le mot pénis en anglais, P-E-N-I-S, ça devient penis. Penis. P-E-N-E-S. Mm-hmm. On dit plus penises. Mais bon. Les condoms ont un taux d'échec, si on veut, de 20% en Inde à cause de la grosseur des engins masculins qui sont un petit peu plus petits en Inde. Ah. Donc 20% au lieu de, c'est quoi, c'est 97% efficace d'habitude de condom, donc 3% de non-efficacité. Eh ben. Eh ben. Le cerveau relâche tellement de dopamine pendant l'orgasme qu'un scan du cerveau fait que ça ressemble énormément à quelqu'un qui a pris de l'héroïne. Wow! Pas pire, ça. Imagine si tu fais deux. Mais, oh! Quelle soirée! Hey, oh! Ouais, est-ce que tu as un ordre précis pour ton passe-temps, Jean-Fait? Héroïne et orgasme. En même temps. OK. tiens, si tu flexes un muscle, flexer, c'est... ce que je suis pas capable de faire, clairement. Pendant 60 secondes, tu vas pouvoir te débarrasser d'une érection que tu voulais pas avoir. Ah, à la place de penser à la grand-mère de l'autre. Ce qui est mon cas. À la place, tu flexes un muscle. Tu flexes. Ouais, moi, ça me fait juste penser... il me semble au secondaire. Bon, ben c'est bon, je me flexe. Ah oui? Ah. Je sais pas pourquoi. C'est la face que t'as faite avec ça qui était drôle. Je vais te prendre en photo. Ah, bon, on fera un remake puis on la mettra sur Facebook. Good job. Je sais pas, moi, quand je pense à flexer un muscle, le seul muscle que je suis capable de flexer est celui que je voulais me débarrasser de l'érection. Y a-t-il un muscle là-dedans? Flex au flex, là où ça fait mal. une cuillère froide va aider à enlever une sucette, un hickey dans le cou. Ah! Ne. Bon, ça va. Bon, ça va. Glycoprotéines et sélénium, on retrouve ça dans le sperme humain et ça aide à réduire le cancer du sein chez les femmes de presque 50%. La glycoprotéine et le sélénium dans le sperme humain. Ah. Le sommeil réparatoire, Beauty Sleep, c'est pas juste un matelas? C'est aussi un mythe, en fait. Parce que les gens qui dorment plus ont tendance à être plus attirants aux gens qui manquent de par rapport aux gens qui manquent de sommeil. Donc, tu dors mieux. T'as l'air plus rayonnant. Ben, j'imagine que tu dois dégager quelque chose de plus. Sûrement. Le mot japonais pour la masturbation féminine est Shiko Shiko Manzuri. Shiko Shiko Manzuri. Shiko Shiko par-ci, Shiko Shiko Manzuri. ça se traduit, ça, sous le nom de 10,000 rubs, donc 10,000 frottis frottants, si on veut. 10,000 frottis frottants. C'est pas une sorte de yoga, ça, frottis frottants. Chez Tutti Frutti, déjeuner ou dîner. Y a-tu une chanson pour ça? Oui! Oui? C'est la vraie. Je pensais que tu venais de l'inventer. Chante-moi ça. Ben, c'est ça. Chez Tutti Frutti, déjeuner ou dîner. OK, peux-tu faire une aparté? Oui, vas-y, j'adore ça. Moi, je suis un grand fan des... J'aime ça les annonces. Okay, j'aime ça aussi. Les bonnes publicités. Puis, il y en a une que je comprends pas pourquoi j'aime, c'est celle de Barbie's Resto Bar Grill. Chez Barbie's Resto Bar Grill. Il y a la joie, c'est ça. On va. Pa, pa, pa, pa, pa, la, pa, pa. Ah oui. Ouais, vous savez. Depuis quelques temps, j'aime ça écouter les annonces de Barbie's Resto Bar Grill. Je sais pas pourquoi, je dis ça dans Kinky. Je m'excuse, Mathieu. Cette semaine, je suis pas domptable. C'est beau. C'était une aparté. Oui. Je l'ai faite pour de vrai. Yeah! Ah. Tu peux perdre 3 livres par année en ayant des 7 à 8 relations par mois. Relations sexuelles, évidemment. Donc, tu vas perdre 3 livres par année, 7 à 8 relations par mois. Une bonne moyenne au bat. 7 à 51. Il y a un hôtel en Belgique qui est en forme de colon. Tu sais, dans le boyau, si on veut, de colon humain, ça coûte 150$ par nuit pour y dormir à l'intérieur d'un gigantesque niche. Wow! Mm-hmm. C'est génial. 150$. Les femmes qui travaillent à la maison, donc qui ne travaillent pas au bureau, ont des relations sexuelles deux fois plus souvent que les... non, excuse-moi. C'est les femmes qui travaillent qui ont deux fois plus de sexe que les femmes qui ne travaillent pas. Donc, qui sont à la maison, qui sont... Ah, tu vois, c'est surprenant. Tu vois, je me suis dit, bon, ils ont peut-être plus de temps... Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'ils travaillent. Peut-être qu'ils ont plus, je sais pas. J'ai pas de théorie, on dirait que j'ai pas de théorie. Non, j'arrive pas à comprendre. Non. Ça me frustre. Mais peut-être que la femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, mettons, Son mari fait absolument rien parce que la femme reste à la maison. Donc pour lui, c'est comme l'excuse de pas rien faire du tout. Non, c'est l'inverse. Ouais. Le mari doit travailler beaucoup plus fort. Peut-être qu'il finit plus tard. Oui. Puis il dit non, je peux pas aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai une grosse journée. Demain, je me lève tôt. J'anime une émission de radio. À 7h30. Colin. Ensuite, les femmes vont généralement s'endormir en serrant leur oreiller lorsqu'elles s'ennuient de quelqu'un. Oh. Donc, c'est traditionnel de serrer l'oreiller. Un chat mâle a des centaines de petits pics qui vont à l'inverse, dans le fond, à l'envers, sur leur engin. Donc, ils ont des petits pics qui vont comme dans... C'est comme à rebrousse-poil, si oui. On veut. C'est bizarre, quand même. Ce qu'on appelle la elder porn, c'est très très chaud au Japon en ce moment. Elder porn, c'est une vedette de la porno qui a 70 ans, qui est la vedette de cette elder porn là. Ok. Ouais. C'est ça? C'est ça. C'est elder porn, si tu veux taper sur YouTube. Ben, peut-être pas parce que ça va être censuré clairement sur YouTube, mais ailleurs, sur RedTube? PornTube? Je sais pas, je les connais pas. C'est Aero 80. Elder porn. Venus Observa, qu'est-ce que c'est Venus Observa? C'est facile, ça. Non, c'est pas du tout. Si tu le sais, c'est facile. Attends que j'ouvre de. Attends, j'ouvre mon Google. J'ai trouvé. C'est une technique. Moi, je dirais que c'est une technique. Une technique, en effet, c'est une technique. T'es déconcentré par le elder porn, toi. Oui. Non, Venus Observa, c'est le terme technique pour la position du missionnaire, tout ce qui est de plus facile, le classique. Vaginismus, maintenant, qu'est-ce que c'est vaginismus? Capitaine Vaginismus! ben écoute, comme ça rapidement, là, tout ce que je te dirais, c'est que moi, quand je suis grippé, je me muche. D'après moi, ça doit être un écoulement. C'est pas vaginismus, non. Vaginismus, c'est une dysfonction sexuelle causée par un spasme musculaire involontaire autour de l'entrée vaginale qui va empêcher l'insertion de l'engin masculin. C'est comme si la porte du garage se refermait. C'est ça. Ton petit bouton... l'homme a le plus grand organe de copulation. Tu vois, une autre façon de dire un engin masculin. Oui, c'est bien ça. J'augmente mon vocabulaire. Donc, organe de copulation. Parmi tous les primates mâles. Donc, on est celui avec le plus gros organe. La gelée KY. On est... Vas-y. Tu penses? Ben, je sais pas. Là. Moi, c'est proportionnel, je pense, par exemple. C'est proportionnellement parlant. Ah ouais, parce que mettons un cheval. Là. Ouais, c'est ça. Je pense... Mais non, parce que j'ai dit primate. Ah oui. Je m'excuse. J'avais mal lu laquelle elle C'est bon de poser des questions parce que moi-même, ça me refait me remettre en doute. Ouais, c'est bon. Et remettre en doute mes sources. La gelée KY, tu te rappelles KY? Let's get some KY. Oui. Et bien ça, la gelée KY, ça a été inventé en 1927, mais c'était utilisé seulement pour les examens du pelvis. Pelvis? Mm-hmm. Presley, ça? Pelvis? Oui. Jusqu'à dans les années 80. Ah bah. Ah bah bah. Ah bah bah. Ah bah bah bah bah. Voilà. Bah voilà. Avant, c'était d'utilisation un petit peu plus... C'est ça, sérieuse. Ensuite de ça, la testostérone n'est pas la cause d'une érection, étrangement. Par contre, ça te donne le désir d'en obtenir une. OK. Pas la même chose. Non. Pas la même chose. Ensuite de ça, tiens, on calcule que l'homme moyen va orgasmer assez de liquide dans sa vie pour remplir un carton de lait de 1 gallon 14 fois. Donc, 14 gallons de... De petit lait. De petit lait. Ah! Là, c'est parce que j'avais comme déjà une idée de chanson pour après la chronique que je suis en train de chercher. Mais là, j'en veux une autre parce que t'as dit ça. J'allais me gâcher ça. Bah, écoute, moi, je suis un gars de même. Je gâche tout. En tout cas. Il nous en reste quelques-uns encore, toujours dans Kinky Sexy Time. Mais allons-y avec celui-là. Le Kama Sutra a 30 types de baisers à l'intérieur de lui. Donc, si tu veux savoir comment embrasser, achète-toi le livre. Achète-toi le livre. Est-ce que j'ai envie de traduire des textes? Comme tu le sais. Après avoir souffert d'une plaie, dans le fond, quelqu'un l'a attaqué avec un couteau dans l'estomac en performant une fellation. Une fille est tombée enceinte. C'est quand même bizarre. C'est une adolescente de Lesotho, je crois que c'est un pays, qui est devenue enceinte en 1988, malgré le fait qu'elle est née sans vagin. Les docteurs de Lesotho ne comprenaient pas quand ils ont découvert que cette patiente de 15 ans était en train de, dans le fond, était enceinte, était en veille d'accoucher, mais qu'elle n'avait pas de vagin. Donc, la fille a souffert d'une défectuosité, si on veut, dans son corps qui s'appelle Malarian Agenesis. Ils ont découvert qu'elle avait conçu un enfant quand son ex, qui était jaloux, l'a poignardé dans l'estomac pendant qu'elle performait une fellation. Bref, elle s'est fait poignarder alors que son estomac était vide. Donc, elle n'avait pas assez d'acide gastrique pour tuer tout le sperme. Et ça, dans le fond, ça a ouvert un chemin, la plaie, ça a ouvert un chemin vers son utérus où elle a été imprégnée. Quelle histoire! What? Non, pour de vrai, là, c'est incroyable. Ça se peut juste pas, là, moi, j'en reviens pas. Tu vois, j'ai traduit ça live, puis je trouve qu'il valait la peine, ça. Là, oui, quand même. Il valait la peine de se forcer. Oui. Quand même, arrête de botcher. Mais t'imagines, ouais. C'est une belle histoire. Comment tu t'es fait poignarder? Moi, oh, je suis en train de tuer mon chum. Puis finalement, c'est mon ex, là, il m'aime plus. Puis j'ai pas poignardé, puis là, je suis enceinte. Yeah. Wow! Wow! Il y en a-t-il un autre qui vaut la peine, quand même? Oui, ben tiens, on parlait tantôt des chats qui avaient des petits pics sur leur engin. Tu te rappelles? Oui. C'était là 2 minutes environ. Oui. Donc, à cause de l'évolution, l'homme a perdu son code d'ADN qui faisait que l'engin masculin humain avait aussi des petits pics dans le temps. Ah! Oui, donc avec l'évolution, disons que les espèces finissent par perdre quelques affaires qui ne sont pas nécessaires pour développer plus les caractéristiques qui, elles, servent à quelque chose. Donc, une place, ça s'est passé, c'est évidemment l'engin masculin. Si on regarde l'engin d'un chimpanzé, par exemple, il est garni d'une couverture de petits bouts de kératine, donc du tissu un petit peu plus solide, donc c'est comme du genre de... du plus solide, là, bref, ouais. Si on veut. Des petits pics, si on veut. Donc, c'était présent chez les humains aussi. On dit que le code d'ADN a fini par disparaître, il y a environ 700 000 ans. Le reste, des détails avec l'homme de Néandertal, etc. Donc, quand même, intéressant. Oui. Intéressant. Intéressant et surprenant. Surprenant. Bon, là, c'est assez de traduction, je te dis. Voilà. On s'en va entendre, tiens, ah, Call Me Poupée et KY. Au 89 FM de l'Assemblée d'Afrique. Let's get some G-Y, G-Y. Let's get some G-Y, G-Y. Sit a miracle, sit a miracle, sit. Quel est Espagnol aux soirées frivoles qui arrache le cœur de façon douleur. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Alexandra Carignan, donc, dans les comédies d'Alex, tu nous présentes quoi? Hey, cette semaine, je me suis gâtée, en fait. Je vais vous parler de « How to succeed in business without really trying ». OK. Et pour certains, ça pourrait peut-être dire quelque chose. C'est quand même une des plus grandes comédies musicales sur Broadway qui a été faite, en fait, pendant très longtemps. Okay. Et récemment, on a fêté le 50e anniversaire de la pièce. En fait, How to Succeed in Business Without Really Trying, c'est un livre à la base qui a été publié en 1952, donc dans les années 50. Et c'est en 1961 que ça va être une comédie musicale. Et on va en faire, c'est ça, justement, là, quelque chose de chantant et de tout. Et en 1961, quand c'est arrivé sur Broadway, ça a gagné 7 Tony et le Pulitzer Prize for Drama. Okay, quand même. Alors là, on voit, c'est une comédie musicale qui était bien mise. Et le 50e anniversaire de cette comédie musicale-là s'est fait en 2011. Donc, 1961 plus... Moi, 50. Je connaissais pas, là, je te le dis. Je suis inculte. Mais en fait, moi, j'avoue que ça a pris 2011 avant que je le connaisse, puisque okay. La pièce, le personnage principal, a été joué sur Broadway par Daniel Radcliffe. Oh, nul autre que... nul autre qu'Harry Potter. Harry Potter. Et là, vous vous dites, ah ouais. Et oui. Et en fait, cette pièce-là, c'est quelque chose qui, oui, date des années 50, mais c'est quelque chose de quand même drôle. C'est sûr que, bon, la semaine passée, on a vu The Book of Mormon. Ouais, c'est ça. Tu nous as gâtés depuis deux semaines. Je vous ai gâtés pas mal. C'est sûr qu'on réussira jamais à atteindre ce niveau-là. Ben, jamais. Peut-être les gars vont en faire une autre ou quelque chose. Je le souhaite tellement. <C'est ça. rire> Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on va y aller dans des trucs avec un peu plus classiques. Là. Avec ce qui existe. Mais How to Succeed in Business Without Really Trying, le titre le dit un petit peu. T'sais, c'est un peu loufoque. C'est quand même très, très drôle. Parce que c'est l'histoire, en fait, de Finch qui, bon, là, a été. Mais c'est quand même des comédies musicales. Oui, souvent, il y a un ça. Côté ludique assez drôle, là, quand oui. même. Dans oui, oui, quand même. Une comédie musicale, c'est quand même... Ben, des fois, il y a des drames, là, mais je veux dire, ça le dit quand même un peu. Ben, il y en a des drôles, des cute, en fait, là, plus ouais, que d'autres ça, choses. Oui, c'est ça, plus cute, peut-être. Mais ça, c'est vraiment... C'est une comédie qui est drôle et très ironique. Parce okay. que ça va raconter, en fait, ça le dit, comment, en fait, How to Succeed in Business, c'est ça. Comment réussir... Sans vraiment essayer. C'est ça, sans vraiment essayer. C'est l'histoire d'un laveur de vitres. Ce qu'on veut tous, finalement. Oui, c'est tout J'aimerais ce qu'on veut. Ça, hein, réussir et comme ça, sans avoir besoin de faire d'efforts. C'est simple. On voudrait tellement. Ça serait facile. Hein. L'affaire, c'est que ça marche pour le personnage. Tu sais. Oh. En fait, c'est ça. Finch est un laveur de vitres. Okay. Donc, d'une compagnie. Ben, pas d'une compagnie, mais il lave des buildings des à New York. Exactement. Genre, et va lire le livre. Va, c'est un livre parlant. Donc, il y a comme des cassettes. Sur un genre. Bouton, des cassettes, okay. exactement. How to succeed in business without really trying. Et dans le fond, lui, il va suivre toutes les étapes. Et genre en fait, de livre de cheminement de vie. Là, oui, exactement. Et c'est vraiment un livre qui t'explique comment déjouer le monde des affaires qui, dans le fond, n'est pas vraiment difficile okay. et que tout est sur l'apparence. Le premier conseil que le livre va lui donner, c'est de prendre une compagnie qui est assez grosse pour okay. que personne ne sache vraiment ce que les autres font. Ah, ben oui. Donc c'est ça, vraiment. Et tout au long du livre, Finch, qui est un laveur de vitres, va commencer, en fait, va se chercher une job dans une compagnie, va arriver dans le service du courrier. Courrier, genre. Et le livre va bien lui dire, ne restez pas trop longtemps dans le service de courrier. Et à ce moment-là, en fait, il va se faire offrir une promotion dans le service de courrier et va dire, non, je la prendrai pas, je vais la laisser à mon collègue. Et là, en fait, son collègue monte. Lui, c'est ce qui, lui, il veut pas monter parce qu'il veut pas rester là. Et le patron fait, mais il est donc ben fin. Colin, on va le prendre, on va le sortir du courrier, puis on va le mettre ailleurs. Et dès ce moment-là, il va grimper les échelons peu à peu, tout en suivant les Il y a une couple de films américains que c'est, ça me fait penser un peu au prologue un peu de quelques films américains. J'ai pas les titres qui me viennent, mais il me semble que j'ai ça comme image. Le gars qui commence vraiment au service courrier puis qui réussit à gravir les échelons. Mais, c'est pas un film avec Matthew Broderick? Oui, ou, quelque chose du genre. Et voilà. Matthew Broderick, en fait, a fait une adaptation. Ça ressemble de ce à ça film-là. Un peu, là. Et oui, lui-même. C'était très bon, en plus. Lui-même a joué le personnage. C'est très, très bon et c'est très drôle, en fait, parce que Finch, oui, c'est un laveur de vitres, mais c'est quelqu'un de très bright. Il est intelligent. Il est très intelligent et capable de, pas manipuler, mais de tourner vite, tout à son... C'est un très vite. Et il y en a, en fait, entre autres, quelqu'un dans le courrier qui est en fait le neveu du boss, qui l'aime pas. Puis, qui voit là, qu'il réussit à se rendre d'un bord puis de l'autre. Il est trop brillant, lui. Lui, il essaye de, à chaque fois, va essayer de le faire tomber. Okay. Et finalement, c'est lui qui va finir en laveur de vitres à la fin de la comédie musicale. Donc, c'est vraiment, là, il y a du monde qui essaye vraiment fort, là, de mettre des bâtons dans les roues. Et lui va toujours s'arranger pour s'en sortir. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment une comédie qui est, en fait, très, c'est une comédie joyeuse, quand même. Ouais. Parce que, oui, tu sais, il y a des plans pour défaire tout ça, mais ça va toujours bien finir. Et c'est ça la beauté de la chose. En fait, avec une How to Succeed in Business Without Really Trying, ça finit bien. Et les chansons sont très, sont très joviales. Ouais, c'est ça. C'était le secret de mon succès, je pense, en français. Oui, ça se peut. Le secret de mon succès, ça vient le de me pas de mon, en français. J'avoue que j'avais jamais vu. Ouais. Mais je sais que Matthew Broderick a joué Finch. Mais tu l'as pas vu, ce film-là? J'ai pas vu. Ah, mais je pense que t'aimerais, parce que ça ressemble beaucoup à ce que tu décris, là. En fait, il faudrait vraiment que je le voie. Parce qu'en fait, moi, j'ai adoré la comédie musicale. Ouais. Je l'ai pas vu, effectivement, évidemment, mais je l'ai écouté et lu. Et lu. Et c'est très, très drôle. À travers ça, il y a une histoire d'amour avec Rosemary, qui est une secrétaire. Et tu as la chanson I'll be happy to keep his dinner warm. Tu sais, dans les années 50, là, la secrétaire qui, elle, veut seulement marier un. Elle veut marier son cadre. Elle veut rester chez elle. Puis faire la nourriture. Et t'as aussi A Secretary is not a toy. Okay. Où est-ce que justement un patron va faire engager une nouvelle secrétaire qui est en fait sa maîtresse. Donc quand tous les hommes vont dire oh, belle ta secrétaire, on pourrait demander de faire ça, il fait non. A secretary is not a toy. C'est ça. C'est dans le fond. C'est son jouet à lui. C'est ça. Il peut pas partager son jouet. C'est des très très bonnes chansons qui sont. Justement, très jovial, très Broadway, hein, parce que ça va être dans les premières comédies qui vont se présenter. En fait, ça a donné le ton à Broadway. Bon. Ça a vraiment donné le ton. Et justement, c'est pas pour rien qu'on a fêté son 50e anniversaire. C'est une comédie qui est toujours à la saveur du jour, parce que ça l'explique les grandes compagnies, ça l'explique comment, justement, parce que le garçon n'a vraiment pas fait d'études. Il sait juste comment bien parler, comment bien parler. Ça explique le rêve américain. Ça explique beaucoup le rêve américain. En fait, c'est le rêve américain. C'est le rêve américain total. Exactement. Et en fait, je vais aller vous faire écouter un extrait qui, pour vous mettre en contexte, est vraiment vers la fin de la comédie musicale. Où est-ce que là, Finch est sur le bord de se faire mettre à la porte et de faire mettre à la porte pas mal de monde, en fait. Et là, il va s'arranger pour tout tourner comme il faut, pour dire, écoutez, dans la vie, là, c'est parce qu'en fait, il va y avoir une bagarre là, de « toi, t'es dans une Ivy League, toi, t'es un community college, wow, puis là, ben, finalement, je t'engage plus parce que t'es dans l'université adverse. » Ouais, c'est ça. Il va faire « Non. Il y a un brotherhood of men, il y a un clan d'hommes, de famille, et ainsi de suite, et qui va réussir à tourner. » Et c'est ça, en fait, la beauté de Finch, c'est qu'il va toujours réussir à trouver les mots, va toujours réussir à trouver la manière de faire tourner le patron de son bar et de régler la situation. Et là, en fait, l'extrait que je vais vous faire entendre, c'est la comédie pour le 50e anniversaire faite en 2011. Donc, c'est Daniel Radcliffe qu'on va entendre chanter. Aussi, John Benjamin Hickley, qui est un acteur qu'on voit un peu partout, qui a gagné l'acteur de second rôle en 2011, donc pour cette comédie musicale-là. Alors, on va aller écouter Brotherhood of Men. Deep down, under our skins, there is flesh and blood. We're all brothers. Now you may join the Elks, my friend, and I may join the Shriners, and other men may carry cards as members of the Diners. Still others wear a golden key or small Greek letter pin. But I have learned there's one great club that all of us are in. There is a brotherhood of man, a benevolent brotherhood of man, a noble tie that binds all human hearts and minds into one brotherhood of man. Your lifelong membership is free. Keep a giving each brother all you can. Oh, aren't you proud to be in that fraternity, the great big brotherhood of man? So, Wally, I want you to remember that before you consider firing Mr. Bigley. Whoa, whoa, who's considering that? You see, Wally, I know what's on your mind. You'd like to clear out the whole crowd from top to bottom. That's the obvious move. But stop and think. One man may seem incompetent, another not make sense, while others look like quite a waste of company expense. They need a brother's leadership, so please don't do them in. Remember, mediocrity is not a mortal sin. There we're in the brotherhood of man, dedicated to giving all we can. Oh, aren't you proud to be in that fraternity, the great big brother. A brotherhood, yes, a brother, a man, a brother, a benevolent brotherhood, a man, yes, sir, yes, a noble tie that binds all human hearts and minds into one brotherhood of man. Oh, yes, your lifelong membership is free. Keep a giving each brother all. Down with double D-D. Alors, c'était A Brotherhood of Men de la comédie musicale How to Succeed in Business Without Really Trying que je présentais cette semaine. Et en fait, ça ne rend pas justice au numéro que je vais mettre sur la page du Dîner de cons. Lors de la célébration des Tony Awards en 2011, Daniel Radcliffe a justement fait une performance de ce numéro-là. C'est hallucinant. Et là, c'est lui qui chantait? Oui, c'est lui qui chantait. Donc, il y a une voix qui est correcte. Pas une voix broadwayenne. Ouais, c'est ça. Alors, mais, je reconnaissais, là, je pense. Oui, oui, tu sais, il y a une belle voix, il est sur la note, mais de le voir danser, par exemple, c'est tout un spectacle. Okay. Parce que c'est il bouge du, bien? Il, c'est malade. Okay. J'en reviens pas. Moi, quand j'ai regardé la performance, là, j'ai été... j'ai eu chaud. Séduit. Et j'ai été séduite. Alors, ah, mais tu sais, hein, les filles aiment bien Daniel Radcliffe. Ouais, ça, c'est inscrit dans mon cœur. Mais ça. Il est très impressionnant. C'est vraiment un très beau numéro. C'est une très belle pièce aussi que ça vaut la peine d'écouter. Vous pouvez écouter le film aussi. Tu sais, le film, en fait, est aussi un... Il y a un film qui a été fait dans les années 60 et qui a les chansons dedans. Alors, OK, fait finalement, c'est un peu la comédie musicale, mais à l'écran, c'est pas le décor Broadway. Oui, là, non, c'est ça. C'est pas le décor Broadway, c'est à l'écran. Un peu comme Annie ou comme oui, c'est tous ça. Les autres. Oui, en noir et blanc, quand même. Mais c'est un très bon film, pareil. La comédie musicale est très bonne aussi à écouter. Et en fait, moi, j'ai la version de Daniel Radcliffe, mais il y a aussi eu... bon, peut-être que le monde ne connaîtra pas. Mais celui qui a remplacé Daniel Radcliffe durant l'année, c'est Darren Criss. Qui, en fait, joue dans Glee. Okay. C'est le petit ami à Kurt. Et il y a aussi eu Nick Jonas qui a pris sa place. Nick Jonas, qui fait partie du triumvirat des Jonas Brothers. Okay. Qui est un groupe musical très pop de Disney. Oui. Mais qui, lui, Nick Jonas, en fait, a fait Broadway pendant longtemps. Et en fait, il l'a remplacé, Daniel Radcliffe. C'est une très bonne comédie musicale. Je vous la conseille. Elle est drôle. Elle est justement très rafraîchissante et présentant le rêve américain, mais sous un côté assez drôle. Cocasse. Eh oui. Hey, juste pour la petite, un petit erratum, tantôt on disait Matthew Broderick dans Le secret de mon succès ou The Secret of My Success qui est en anglais, eh bien, qui est sorti en 87, c'était Michael J. Fox qui jouait le. On les mélange tout le temps. Exactement. Mais. En tout cas, ça, j'ai aimé ce rapprochement. Quand même, j'ai pu me visualiser. Mais l'histoire est l'histoire, semblable. L'histoire, il y a beaucoup de trucs qui ont été raccrochés à ça. Et puis, vous irez le voir aussi. Ça aussi, ça peut être drôle de voir le secret de mon succès. Mais merci beaucoup, Alexandra. Ça me fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Stéphanie Paradis. OK, oui. Oui, en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau. Et d'ailleurs, c'est le moment de sa chronique. Ouais, accueillons-la. Voici les petits bonheurs. C'est la première chronique, les petits bonheurs de la saison. Et en fait, on n'a pas fait ça depuis le mois d'avril, fait que... Ah, mon Dieu, ça fait longtemps! Es-tu rouillée? Si je suis rouillée? Moi? Non, j'ai fait mon traitement la semaine dernière. Anti-rouille métropolitaine. Donc, cette semaine, en fait, pour ta première chronique, Stéphanie Paradis, tu nous amènes un petit sujet qui, normalement, nous ferait dire, mais il n'y en a aucun, c'est aucunement possible qu'il y en ait des petits bonheurs là-dedans. Exactement. Donc, tu sais, je veux dire, premier abord, on regarde mon premier thème de la saison, puis, tu sais, je vous entends, là. Je vous entends le dire, tout le monde, là. Ben, c'est pas le fun d'aller à l'hôpital. C'est pas le fun, hein? Gars, t'as entendu? Hein? Je le savais. Tout le monde passe en avant du studio puis il nous crie des injures comme ça, là. Mais je vous comprends quand même de le penser. C'est quand même un endroit qui est réputé pour être fui. C'en est même une phobie pour certains. L'hôpital, tabarouette. Fui qui est aussi le bruit que ça fait quand tu marches sur les planchers de terre. Fui. Avec tes petites paper pantoufles, là. Ouais. Paper pantoufle, qu'on dit. Pantoufle. Donc, moi, la dernière fois que je suis allée à l'urgence, ben, ils m'ont gardée pendant 3 jours. Fun! Sauf que, je vous explique ma situation. Moi, j'ai la maladie de Crohn. Mm-hmm. Donc, après de 12 à 24 heures de pure souffrance, ben, comment je dirais bien ça? Je vais bien. Ça, c'est l'estomac et tout. Et le... Mais pour ceux qui ne savent pas, là, c'est quoi? Là? Inflammation intestinale d'intestin. En tout cas, tu sais, ça bloque pas mal tout. Fait que bref, moi, après 12 à 24 heures, je vais bien. Tu sais, je suis comme revenue dans la vie de tous les jours. Mais je suis encore pognée à l'hôpital. Là. Ils me relâchent pas comme ça parce qu'ils font des examens, ils me gardent sous observation. Tu sais, ça serait trop facile. Ah, OK, ah, tu vas bien. Là, tu fais, OK, tu peux t'en aller. Non, ça marche pas de même. T'es plugué. tu peux pas vraiment te sauver non plus. Moi, je suis pas assez game d'arracher mon solité et de me sauver. Là. On s'entend, ça m'écœure, OK? Donc, bref, cette petite escale de fin d'été m'a inspiré la chronique d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, quand tu es à l'hôpital, faut que tu t'occupes. Là. Donc, pourquoi pas le faire en essayant de se remonter le moral et de chercher les petits bonheurs de l'hôpital? Ah, t'es positive, toi! Donc, ben, premier petit bonheur de l'hôpital, les cadeaux. Les cadeaux? Ben oui, quand t'es malade, tu fais pitié. Les gens veulent te réconforter. Ils t'amènent des petits chocolats, petits magazines. Oui, j'ai même eu mon Ricardo gratuitement. Pas beau Ricardo! Ben, le magazine, c'est pas Ricardo qui est venu me voir. Ah, OK, j'ai mal compris. Ouais, non, c'est ça. Ouais, aussi, ma belle-sœur est déjà venue me voir à l'hôpital il y a quelques années, puis elle m'avait acheté un toutou éléphant. Mmh. Mais c'est une magnifique attention qui met du bon sur ton séjour, puis là, tu peux dormir en cuir avec ton éléphant. Fait que tu te sens moins seul aussi. Ensuite, ben, t'as le droit d'être légalement drogué. Donc, tu sais, on niaise pas avec ça, la maladie de Crohn. C'est avoué par là la morphine. Fait que, là, quand ça te monte à la tête, ça allège un peu la situation, je dirais. Là. T'en prends encore plus pour compenser, parce que là, ça rajoute ça. Non, mais tu sais, t'es comme... Pour vrai, ça arrive, là, tout d'un coup, là, après, t'es comme... Ouh! Et tu là, vois des éléphants, oh non, c'est ton toutou. Non, mais en fait, c'est... Moi, j'avais pas mes lunettes. Quand j'étais arrivée là, j'enlève mes lunettes, j'étais en train un peu de revoler partout, là, fait que je suis comme... Chérie, tiens mes lunettes. Mais là, à un moment donné, il vient juste de me donner la morphine. Puis là, j'ai pas mes lunettes, fait que je vois très flou. Puis là, je vois, il y a comme quelque chose sur mon... Ben, sur moi, tu sais, j'avais une couverture, mais il y avait quelque chose qui passait. Fait que là, j'ai comme pointé, j'ai comme, c'est quoi ça? Là, mon chum me dit, ben, c'est juste le fil de ton soluté. Là, j'ai comme, je suis dans mes niaiseuses. Fait que le fil de mon soluté m'a vraiment comme... T'as vraiment perdu le fil. Exactement. C'est ça. Aussi, j'étais toujours sous l'emprise de la morphine. Et c'était très drôle parce que devant moi, il y avait un petit... ben, il y avait des panneaux où ils rangent un peu de tout. Et celui-là devant moi, c'était écrit « peau à dentier ». Il y avait une armoire complète de peau à dentier. Et ça, quand t'es sur la morphine, peau à dentier, c'est vraiment drôle. Ouais. Donc... C'est drôle sans la drogue aussi. Hein? C'est drôle sans la drogue aussi. Fait qu'imagine avec la drogue... Ah, c'était vraiment à se tordre de rire. Ensuite, ben, faire des tours de lit. OK? Sur roulette, là? Oui, oui. Okay. Mais c'est parce que quand tu vas passer tes examens, même si t'es apte à marcher, ben, tu marches pas. Non, il y a quelqu'un qui est payé pour te faire faire des tours de lit. Malade. Tu sais, je veux dire, c'est le moyen de transport rêvé. Ah, je veux mon lit rêvé. Non. Ça pollue pas, t'es couché, t'es abrié, puis tu fais des tours d'ascenseur en lit. Je veux dire, c'est malade. Que demander de plus? Puis t'as le choix, tu peux être couché, assis, tu peux juste relax ou, tu sais, non. Est-ce qu'il faut un petit numéro de comédie musicale comme dans Scrubs, avec ton lit quand il te pousse, ça? Tout le monde chante, tout le monde danse. Quand tu te prends beaucoup de drogue, oui, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça, ça dépend. Là, t'es rendu tout dans ton séjour. Mais c'est parce honnêtement, les premières rides que tu fais, là. Waouh, le premier road trip. Ouais, c'est ça, ben, tu le dors un peu. Ouais. Là, t'es assez coma, je te dirais. Fait que ça dépend. Ensuite, ben, comme vous aurez déduit avec mon précédent bonheur à l'hôpital, t'es toujours dans un lit, donc t'es toujours prêt à dormir. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Sérieusement, tu rattrapes ton sommeil. Tu sais, tu passes la journée couché, t'es soit sa morphine, les calmants, relaxants musculaires, anti-inflammatoires, t'as vraiment rien à faire. Fait qu'à un moment donné, ben, t'es épuisé tes passe-temps, fait que tu t'accotes la tête, tu dors. À un moment donné, oh, tu te réveilles, tu regardes l'horloge, tu te vires de bord, puis ah, ben, tu te rendors. Puis peu importe l'heure, t'as pas de compte à rendre à personne, t'es dans un lit, fait que tu dors. Tout le temps. Ensuite, toujours en continuant dans l'idée que le lit, c'est une vraie petite merveille, mais faut pas oublier qu'on te sert tes repas au lit. Oui, déjeuner, dîner et souper au lit, c'est vraiment sec à mort. C'est vraiment pour vrai. Si t'as un bel infirmier, mettons pour toi. Ben, ça change beaucoup, là. J'en ai eu quand même beaucoup, là. Non, bon, là, ni ben, c'est mieux que rien. Mais il était pas tant fin. Fait que je préfère avoir le fin que le beau. Ouais. Donc, oui, fait que t'as pas besoin d'être cassé la tête avec la cuisine, l'épicerie, le guide alimentaire canadien, la vaisselle, non. À des heures fixes, les plateaux de bouffe arrivent, t'as à ton nom. Tu sais, c'est tout adapté à ton régime. Oui, parce que t'avais le choix de ce que tu voulais manger en plus, c'est ça, non? Non, ça, non, c'est okay. Quand t'es hospitalisé, ils vont passer te voir, okay, faire une petite liste, mais quand tu restes à l'urgence, ils te donnent pas le choix. C'est le par défaut. Mais si ils t'envoient dans une chambre, là, ils vont te demander ce que tu veux manger. Oui, c'est ça. Donc, t'as même ton nom sur ton petit plateau, tu sais, tu peux pas te tromper. Puis, une fois que t'as rajouté ton petit sachet de sel, là, c'est super bon quand t'as faim. Ça goûte presque quelque chose, c'est bon, là. Mm-hmm. Puis moi, je suis contente, là. J'ai même eu une fois un accompagnement de betteraves. Okay? J'étais vraiment contente parce que j'adore les betteraves, mais je déteste les cuisiner parce que ça tâche. Oui. C'est vraiment horrible de cuisiner ça. Là, j'ai eu des betteraves. J'étais contente, là. Bien, t'as-tu du jello aussi? Ah, écoute, là, pour vrai, t'as tout du jello le matin, t'as ton café, t'as du thé, t'as un petit jus. Tu sais, t'as quand même beaucoup de stock. T'as tant de tranches de pain avec du beurre. C'est cool, là. Oui. Puis, tu peux aussi, des fois, ça a des demandes spéciales, là, tu peux le faire, là, quand t'es assez apte à réfléchir. Tu craques les social tea, mettons, as-tu vu ça? OK, oui. Oui. Ah, j'aime ça. Je vais en reparler tantôt. Ben, c'est ça. Ouais. Ensuite, ben, lire, tout simplement. Oui, lire sans se sentir coupable. Tu sais, peut-être que tu as du lavage à faire à la maison, peut-être que tu as des factures à payer, tu es peut-être dû pour ton jogging. Probablement que la litière du chat a besoin d'être vidée parce que ça fait 3 jours que tu es là, puis il a peut-être même pas mangé. Là. Mais là, c'est pas que tu veux pas, mais c'est que tu peux pas le faire. T'as pas le choix. T'as la meilleure excuse au monde. Fait que c'est peut-être une superbe journée ensoleillée que tu es en train de manquer, mais t'as pas à te sentir coupable, t'as pas à justifier à personne de ton teint blanc. T'es malade. C'est normal. OK? Mais tu peux lire toute la journée si tu veux, t'as le droit. Sauf quand tu vas passer un scan, là, c'est comme moins poli de lire dans la face du gars qui te fait ton scan. Okay. À moins que tu fasses un résumé. Un résumé, ben non, peut-être pas, tu sais. Ouais. Des fois, ça fait des spoilers. Des spoilers, là? Ah ouais, parce que là, j'étais en train de lire Fifty Shades, okay, à l'hôpital. Oui, oui. Mm-hmm. J'ai trouvé ça très drôle aussi parce que c'était sur ma petite table. Il y a une infirmière qui est arrivée. Elle dit, oh mon Dieu, c'est vraiment bon. On se l'est toutes passées ici, les filles. Oui, se sont passées. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Excuse-moi, c'est j'aurais dégueulasse. Pas dû, moi. Ensuite, un petit bonheur de l'hôpital, se faire servir au doigt et à l'œil. OK. Écoute, je dois avouer qu'au début, je me sentais coupable de quémander, tu sais. Parce que t'es vraiment dépendant des gens qui travaillent à l'urgence. Mais j'ai fini par me dire que c'est pas vraiment mieux si j'essaie de me servir moi-même. Tu sais, je vais être dans leurs jambes, j'ai pas à fouiller partout. Donc, ben, c'est à ce moment-là qu'intervient la clochette. Le petit bouton! Ben, moi, j'avais pas de petits boutons parce que c'est super agressant. Moi, je voulais pas de petits boutons. Okay. Parce que moi, je considère que c'est vraiment pour une urgence. Genre, j'arrive pas à respirer, petit bouton avec la lumière au plafond. Je trouvais ça un peu intense. Moi, j'avais ma petite clochette puis ça me convenait. Okay. Je préférais la petite clochette, moins agressif. Puis, on s'entend quand tu veux juste un verre d'eau, t'as l'air pas. L'étage au complet. Exactement. Ouais. Donc, on peut littéralement sonner du monde avec la petite sonnette, là. C'est cool, là. On t'apporte ce que t'as besoin. Couverture chaude. Ah, tu sais, ils t'a font chauffer au micro-ondes. Genre, je sais pas dans quoi ils font chauffer ça. T'arrives la couverture chaude. Tu te sens tellement materné, là. OK? De l'eau, tu peux demander avec de la glace. Ouais. Bon, la petite machine à glace, là. Concassée, s'il te plaît. Mais c'est parce que des fois aussi, tu peux pas boire. Donc, ils vont te dire peut-être une glace, tu sais. Ouais. Comme ça, t'en as moins, ça rafraîchit. Fait que tu peux avoir de la glace tout le temps. Ils peuvent t'apprêter, têter pour avoir vraiment juste la couche. Non. Ça, c'est dégueulasse. L'intérieur du glaçon. C'est dégueulasse. Tu peux aussi avoir, comme je disais tantôt, des extra biscuits soda ou social tea. Donc, moi, j'ai pogné, écoute, un préposé, un vrai charme. Là. Il était vraiment, vraiment gentil. Mais pas beau. C'est une blague. On repassera. Puis, écoute, j'ai dit, hey, excuse-moi, avez-vous des petites cachettes de biscuits soda? Ah, il dit, ben oui, t'en veux combien? Une caisse? Ah, oh, ben... Non, deux sachets. Il m'est arrivé pour vrai avec 5 sachets. Ah, là. Fait que j'avais des biscuits soda, je me bourrais de biscuits soda, je capotais. C'était beau. C'est beau la vie, les biscuits soda. Tu peux leur faire n'importe quoi, tu peux leur demander de manger des biscuits soda puis de siffler une chanson avec les biscuits soda dans la bouche. Je peux tout faire ça. Ouais, puisque je trouve le temps long, tu sifflerais une toune. Ah, se faire des amis. Oh. Mais écoute, que tu le veuilles ou non, t'as des voisins de lit. Mm-hmm. Si t'es chanceux, ce sera pas une personne âgée qui passe son temps à dire que t'es donc trop jeune pour être là. Ça, je l'ai entendu. Je me suis dit, ben là, t'es ben trop jeune pour être à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, tu sais, j'ai pas vraiment choisi. Toi, t'es trop vieille pour pas être morte, fait que, gars. Quelque chose comme ça. Fait que, ben c'est ça, j'ai pas choisi d'être là. Donc, mais la dernière fois, j'étais chanceuse. Ma voisine, appelons-la Pierre-Aurin, OK? Elle était super sympathique. On a pu jaser vraiment beaucoup entre chacune de nos siestes respectives. Puis aujourd'hui, on est même amis Facebook. Oh. Ben oui, c'est cool. Tu sais, à l'hôpital, on trouve de tout, hein? C'est même un ami. Après, t'as fait poker pour te faire prendre des prises de sang. Tu vas poker sur Facebook. Non, c'est vraiment hard de poker. Non. Je vais juste faire une blague de Facebook. Hein? Non, mais on poke plus sur Facebook. C'est agressant. En fait, je pense qu'il y a une personne dans mes 400 amis qui me poke. On a tout le temps une personne qui poke. Moi, en tout cas, j'en ai deux. Ah, deux? Ben, ça dépend du nombre d'amis. J'imagine que ça doit être un ratio. C'est ça. Mais je dis 400, là, je pense que j'en ai comme 300. C'est 0,1% des gens. Ben non, en fait, ça serait... Je sais pas. OK, je suis vraiment nulle en l'air. C'est rendu plate. OK. Et finalement, ben, il y a des téléromans à l'urgence. OK. OK. Pas à TV, il se passe des vraies histoires non, devant non, toi. Non, des vraies histoires, OK? Quand tu prends le temps d'observer puis que t'es pas trop sur le bord de perdre connaissance, là, il se passe vraiment plein de trucs intéressants à l'urgence. Tu peux observer la relation entre les membres du personnel, par exemple. Donc, tu peux essayer de deviner qui a couché avec qui. Non. OK? Qui a enlevé ses sous-vêtements au dernier party de bureau, là, tu regardes qui a l'air plus willing. Puis tu peux regarder aussi qui est en chicane avec qui. Oh. Tu vois, quand ils échangent des commentaires, tu vois, les relations sont pas pareilles entre tout le monde. Puis là, tu es comme, oh, eux autres, là, ils s'aiment pas, là. Vraiment pas, OK? Aussi, quand t'es plus à la morphine, là, ben, tu te rends compte que c'est leur job. T'sais, c'est comme leur journée de travail, de bureau. T'sais, des fois, on s'en rend pas trop compte parce qu'on est là, nous autres, on a mal. Tu es là pour autre chose, là. Mais là, aussi, tu peux te rendre compte qu'ils sont pas si discrets que ça. Tu sais, t'es entendu chialer du syndicat, d'heure de lunch, d'employé qui est pas rentré, qui est pas rentré puis qui a pas appelé. Ouais, mettons. Ça, j'en ai eu. Et puis, tu sais, j'ai entendu des chicanes puis du bitchage, là. Ouais. C'était savoureux, là. C'est pas si différent de nous autres, finalement, hein? Ben, c'est pareil partout. T'as du bitchage entre employés, puis je trouvais ça fascinant de voir ça, mais à l'hôpital, t'sais, j'avais vraiment l'impression des espionnés. Ben, eux autres, j'imagine qu'ils sortent pas parce que tout le monde est gelé, là. T'sais, à l'urgence. Personne ne se rend compte de rien. C'est ça, mais moi, je l'étais plus. J'étais super alerte. Fait que j'étais vraiment comme un petit oiseau qui pouvait espionner. C'était vraiment cool, OK? Je te dirais que c'était passionnant, là. Fait que j'avais rien d'autre à faire. Ouais, relativement passionnant pour toi. C'est ça. Puis aussi, ben, les histoires des autres patients, OK? Pas très loin de moi, c'était derrière un rideau, donc je voyais pas ce qui se passait. Mais il y a un monsieur qui a vraiment donné beaucoup de fil à retordre aux infirmiers puis aux préposés, ça a mis du piquant, là. Tu sais, c'était un monsieur, t'entendais, ben, comme ses problèmes, mais tu sais, il chialait, c'était vraiment un méchant monsieur. Finalement, à un moment donné, il est passé, puis j'ai entendu qu'il y avait comme dans la 80aine, là, mais il était pas assez habillé à mon goût. Mais j'ai vu beaucoup trop de choses. En tout cas, tu sais, c'était très perturbant. Puis là, il sauvait que ça marchait. C'était vraiment très drôle. Fait que ça m'a beaucoup diverti. Mais une fois qu'il était dégelé, il nous a dit bonjour quand il est parti. Puis il était super fin. Mais je pense que c'était vraiment juste les médicaments qui changent beaucoup la personnalité. Il ne savait pas de ce qu'il avait fait, je pense. Hein? Je pense que non. Fait que c'est vraiment fascinant aussi de voir les différentes personnalités entre je suis vraiment comme ça à morphine. Puis ce monsieur de tous les jours. Là. C'était vraiment très drôle. Donc, aussi. Ben, je tiens à dire, à l'hôpital ici, là, il y a un monsieur, là, je sais pas s'il est infirmier, je pense qu'il est préposé quelque chose. Je connais pas tous les titres. C'est ça. Je connais pas ça du tout. Là. Pour moi, c'était toutes les mêmes personnes qui faisaient toutes les mêmes choses. Tout ce là. Qu'on connaît, c'est Scrubs d'hôpital. Pour vrai, nous deux. Là. Trauma. Moi, j'aime beaucoup Trauma, mais pas pareil non plus, vraiment. Non, pas tant. C'est pas dans le genre de Scrubs du tout. Mais le monsieur ressemble beaucoup à Daniel Vézina, celui qui anime l'émission Les Chefs. Oui. OK? Il ressemblait vraiment beaucoup. Mais quand je l'ai eu, je fais, ben voyons donc, la même coupe de cheveux. Puis là, on dirait, je m'attendais à ce qu'il y ait les tics. Moi, j'ai vu la parodie de Marc Labrèche de Les Chefs, OK? Puis, tu sais, il avait tout comme les bras tendus, puis il se donnait des petits coups par en arrière pour replacer ses cheveux. Fait qu'on dirait, je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Puis je le trouvais vraiment fascinant, OK? Quand mon chum est venu me voir, j'ai fait, hey, regarde le préposé là-bas. Il a fait, hey, mais voyons donc, c'est l'animateur. Ah! Je te l'avais dit qu'il ressemble vraiment beaucoup. Tout de suite, il l'a vu. Pour ça, gars. Et c'est très drôle parce que le gars à l'hôpital s'appelle Daniel. Pour vrai. Oui, je te le jure. Il s'appelle Daniel Gélina ou quelque chose comme ça. J'en rêve, OK? Mais je trouvais ça très drôle parce que je pense que lui vivait vraiment une mauvaise journée, OK? Parce qu'il a vraiment chiolé tout le long. C'était vraiment le pire chialeux que j'ai vu, plus que toi, Mathieu. Hey, merci. Mais non, je le trouvais sympathique dans son chialage. Bon. Il était écœuré de sa journée, puis il venait de rentrer, là. C'était écœurant. Puis je voyais aussi le roulement des shifts, ça. Fait que je voyais qui revenait. Je suis comme, ah, tu sais, salut, tu sais, toi, t'es là hier. Puis, oh, j'aime bien ton saut d'aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Cool. Mais écoute, c'était mes petits bonheurs de l'hôpital. Oui, j'ai quand même réussi... avoir du plaisir à l'hôpital. Tu me donnes envie de se créer une maladie ou, tu sais. En passant, moi, les lits, je les trouve super confortables. Oui. Personnellement. Tu t'as fait monter ton petit les pieds. Ben, j'ai trouvé le petit bras moi-même, fait que je pouvais me réajuster. Parce qu'à un moment donné, c'est tannant de sonner quelqu'un pour se faire remonter le lit. Oui. Puis l'oreiller, là, j'avais quasiment le goût de le voler puis de le ramener chez nous. Pour vrai, le porte-torticolis, là, c'était parfait. Oh. Ouais. On est tous jaloux de toi. Mais il faudrait vraiment que tu aies un jour essayé ces lits-là. Okay. Peut-être que tu dormirais bien. Je croise les doigts. Écoute, je te souhaite que ce soit léger, là, mais... Merci. Mais je te souhaite de la morphine. OK. Juste une nuit, mettons. Juste une nuit. Puis la morphine. Et voilà. Ça fait ma journée. Et voilà. Merci, Stéphanie Barrett. Mais ça fait plaisir. Tu as déjà choisi une pièce pour... Oui, j'ai choisi une pièce. C'est peut-être pas en lien. Moi, j'ai tapé hôpital, j'ai trouvé ça, là. Donc, je me suis... le titre, oui, on s'en va entendre. Monster Hospital de Mitrick. Dans les petits bonheurs de Stéphanie Barrett. Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Premier, on est dans le dîner de cons, pour ceux qui viennent de se joindre là, à l'instant. Et je suis avec deux des membres de Mimi Van Der Glo, Carl Hébert. Bonjour. Salut Carl, ça va? Salut Dan, ça va très bien, toi? Et ben oui, ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Yes. Avant, t'étais tout le temps en train de tourner autour ici, là. Ouais, j'étais tout le temps en train de boire du café à la chasse. Ouais, ouais, c'est ça, du gros café fort. Du gros café fort. Et David Godette, salut oui. Dave. Bonjour. Ça va bien, toi? On te voyait moins à l'université, me semble. Tu séchais moins, là, puis là. Non, moi, je travaillais. C'est ça, tout. Écoute, ça prend du monde qui travaille. Hein, c'est ça. Pour faire vivre ces artistes-là. C'est ça. Salut Carl et David. On a reçu cet été un nouvel album. Ouais. Veux-tu nous parler un peu de ça, le titre? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le cheminement de ce nouvel album? Ça a été long avant. Ça a été long. Ça a été deux ans et demi, trois ans là, de travail un peu par-ci, par-là, parce qu'on avait des problèmes de budget. Mm-hmm. C'est ça, c'est un album qui s'appelle « Samy tout croche », qui parle d'un peu de ces trois années-là, en tant que band, en tant qu'individu. Puis, ça a été rough aussi. Moi, quand je suis sorti de l'université, mettons que j'ai appuyé sur le gaz. J'avais déjà commencé à appuyer sur le gaz, mais en sortie de l'université, j'ai vraiment aimé la pédale au fond. Puis c'est un peu le parcours de cet excès-là qui a duré au moins deux ans et demi, trois ans. OK, donc t'es allé un peu dans l'excès. Ouais, j'étais allé jusqu'à la fin du party. Jusqu'au que mon corps... Tu l'as fermé. J'allais fermer. Jusqu'à temps que les lumières y allument. Quand les lumières ont allumé, mais ça a été l'album pas mal, okay. Qui est sorti de là. Ben moi, je connais quand même les deux albums, là, puis ça paraît, je veux dire, le premier album, tu vois, on était jeunes, on était fous, c'est comme tout est possible, tu sais, un peu. Et puis le deuxième est un peu plus profond, mettons, un peu plus assis, puis justement, les lumières sont éteintes, tu vois qu'il y a des taches de shit un peu partout. Ouais, c'est ça. Non, c'est, mais un peu plus. C'est ça. Exactement. Il est plus pas angoissé, là. introspectif. Ouais, c'est bon, ça. C'est ça. Et comment on a monté cet album-là? Tout, c'est tes textes? Ouais, c'est mes textes. La musique, c'est pas mal, moi, au niveau de tout ce qui est les charts d'accord. Là, OK, ouais. Après ça, on s'est assis, on a arrangé. Il y a eu beaucoup de travail d'arrangement. Je te dirais que le gros du travail qui a été fait de la part du Ben, là, c'est vraiment mettre son ego de côté puis travailler pour arranger les chansons. OK. C'est ça qui a vraiment été le point, je pense, positif pour le groupe. Là. C'est qu'on a vraiment mis du travail, puis on s'est vraiment assis, puis on a décidé d'y aller intelligemment. Puis d'habitude, nous autres, on était plus des rockers. Là, ouais, ouais. Tu plugs, tu joues, puis qu'est-ce que tu as joué, c'est pas mal ça qui va être sur l'album. Là, ça n'a pas été le même pantoute. Fait que ça aussi, ça a créé des tensions dans le band. Fait que tu sais, Samy tout croche, il vaut également, pas juste pour moi, pour mes blondes, mes ex, mais pour le band aussi, parce que ça a vraiment été tough. Il a vraiment voulu s'ostiner à des places. Quand on est arrivé à la fin de l'album, il y en a un album qui a dit « On le recommence-tu? » Tu sais. Okay. Juste te dire comment que le processus il a été long et compliqué. Ça a, là. Été pénible, ça a vraiment été pénible. Fait qu'on était super contents d'avoir sorti cet album-là, enfin, puis être capable d'aller le jouer puis d'aller faire de quoi avec. Tu sais. Parlant d'aller jouer, justement, moi, je vous ai vu au lancement ici à la salle, au Centre culturel. Ouais. Ça, c'était une belle soirée, c'était ouais, le fun. Très, très belle soirée, ouais. Ça a bien été. Vous avez capturé des bonnes images vidéo. Ouais, des bonnes images vidéo, du bon son aussi. C'était Daniel Savoie à Hackboard. Fait que ça a super bien été. Quand Daniel est là, tu t'entends, puis les autres nous entendent. Oui, c'est ça l'important. J'entends bass à côté. Puis non, c'est ça, ça a été super le fun. Avec gros de l'éclairage, ça, pour nous autres, c'était vraiment le fun. Parce que quand on a joué au lancement, on voyait pas en arrière. Comment qu'il y avait de la lumière, mais quand on s'est vu après, vidéo, là. On était là, wow, man, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup c'était de une des rares fois parce qu'on avait une perspective vraiment de l'extérieur, parce que quand on est sur la scène, nous autres, le spectacle est en avant de nous autres, c'est la foule, tu sais. Fait que c'est rare qu'on a des bonnes images comme ça, parce que justement, il y avait beaucoup d'éclairage, comme Carl disait. Fait que c'était le fun de voir ça, puis de se voir comme plus comme le public. Nous perçoit, si tu veux. Ouais, comme on est habitué de se faire du fun en vous regardant. C'est vrai, parce que c'est ce qui est le fun. Vous faites du fun, puis ça paraît. Justement, ces images-là, on peut-tu les voir pour ceux qui les ont pas vues? Où est-ce qu'on peut voir ça? Il y a un extrait de ça dans ta pipe sur YouTube. OK. Puis, je te dirais que d'ici deux semaines, là, on est en train de faire un montage, le ménage de ce lancement-là. OK. Puis, on est en train de faire un montage, là, donner un bon 25 minutes de Mimi qui rock full pin. OK, mais ça dans ta pipe, il est complet. Lui. Ouais, c'est ça, je me disais, c'est une vidéo, là, dans le fond, que les gens peuvent aller se faire plaisir. C'est pas mal comme la vidéo que tu as vue, sauf que c'est ça, ça va être plus long, il va y avoir plus de tunes, des nouvelles tunes. Mais c'est cool, ça, par exemple. Ouais. C'est un beau petit truc à envoyer partout pour ceux qui ne vous ont pas vu et pour voir l'énergie que vous dégagez. C'est une belle carte de visite. Vraiment, ouais. Puis c'est une bonne toune aussi, vraiment, ça rentre. Ouais. Vraiment, elle rentre bien, cette toune-là, elle est bien accueillie ici. Ouais, puis là, c'est à ça, la radio, là, ça marche bien. Ouais. Vraiment. Puis justement, autre show à part de ce show qui a eu lieu cet été, ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour Mimi? Ben là, on a un show le 1er novembre au Zenob. Ça va être okay. Un party d'Halloween avec full plein de sang, avec full blood. Yeah! Avec full blood qu'on aime beaucoup et qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à aller jouer avec eux autres. Parce que, premièrement, ils font de la musique en français comme nous autres. Deuxièmement, c'est totalement original. Puis c'est légèrement... comment on dit ça, donc? Légèrement crotté. Disjoncté. Disjoncté. Ouais. Disjoncté, crotté. Là, c'est pour ça qu'on va faire ça avec eux autres. Ça va être belle fun. Parce que quand on a joué... partie déguisée puis tout, l'emmener vos déguisements. Quand on a joué au Nord-Ouest avec eux autres, ça a été une partie de plaisir. Moi, c'était sûr qu'il fallait répéter l'expérience. Mais là, vous allez le faire au Zenob. Ouais. Ouais. Fait que finalement, il va y avoir vous deux, Ben. Puis plus de place. Plus de place pour le reste. Yes. Puis sinon, ben, c'est sûr qu'on va se faire splasher de sang. Ouais, il y a bien des chances de se faire splasher de sang. De full blood, ça c'est ça quand même pour un party d'Halloween. Ça fit. C'est ça, exactement. Eux autres, on se demande pas comment ils vont être déguisés. Vous autres, y a-t-il une idée? Je sais pas. Ben, en kiss? On le dit tout de suite, on sera pas déguisés en kiss. Parce que tout le monde doit se dire ça. Non, hein? Ça, effectivement. Mais non, ça sera pas ça. On a commencé à lancer des idées. Ouais. On a commencé à lancer des idées, mais on sait pas. Les Spice Girls. Moi, je vais pour la réunion de Guns N' Roses. Moi, j'ai déguisé en Fat Axel. Je voulais y aller avec Styx, mais... Styx? Oh, wow. Mais là, c'est trop underground. Non, les Spice Girls, ça serait bien. Ça serait pas prêt. Je te verrai en Jerry. Pascal, vu que c'est le plus mec, ça va être Posh Spice. Non, les blondes, ça serait Baby Spice. Baby Spice. Donc, puis à part ça, ce show-là, y a-tu de quoi qui s'en vient? C'est quoi les projets de Mimi? Ou... Ben là, c'est de faire plus de spectacles. On veut sortir de Trois-Rivières, pas mal. Mm-hmm. Moi, en tout cas, mon objectif en tant que performer... francophone. Francophone. Mon performeur francophone. Non, c'est ça, c'est vraiment aller jouer ailleurs au Québec. Tu vois, là, on passe à Choix Radio X2. Okay. On passe à 97.3, je pense. Puis là, dans le fond, c'est aller jouer à Québec. On veut vraiment aller jouer à Québec. Pour le monde qui entend Mimi Van Der Glo, puis aller leur montrer qu'est-ce qu'on fait comme musique et comme spectacle dynamique qu'on donne. Mm-hmm. C'est ça, aller jouer aussi à Montréal. Puis aller jouer dans les places que ça fait longtemps qu'on va aller jouer. D'autres, on veut faire des expériences le fun. Wow! Et le micro, il n'y a pas de expériences le fun. Le micro, il s'en va, lui. Fait que c'est ça, juste des expériences le fun en tant que band. Aller jouer à des places que c'est pas des ce qu'on appelle des shows bruns, des gigs bruns. Juste. Tu sais, faire des shows qui sont le fun dans des endroits qu'il y a du monde puis que le monde sont prêts à écouter ce que tu fais. C'est juste ça, moi. Ça serait le bonheur. Ça serait le bonheur. Bon, ouais. Ben, en attendant, est-ce que vous nous jouez quelque chose ici? Ouais, on va vous faire entier une version acoustique. Yes, ben, je vous laisse vous... Ça, c'est pas pour installer. Nous autres, là, les mimi acoustiques, c'est pas dans notre vocabulaire. Fait que profitez-en. Profitez-en aujourd'hui. Partez vos tapes. 1, 2, 3. Je ne suis pas entier. Je ne suis pas sans cesse, je ne suis pas solvable, et je ne sais pas danser. Mon âme est transparente, je suis un puissant fond. Je ne suis pas rentable, un homme à temps partiel, un enfant temps par mois. Je suis une porte de cave, un sentier lumineux. Je suis la peur en vrac, un paquet de hantises. Et puis vieillir me casse les reins. J'ai barré la porte et j'ai condamné les fenêtres. J'ai barré la porte et je condamne les fenêtres. J'ai barré la porte et je condamne les fenêtres. Car je sais que demain je ne serai pas entier, et je serai pas sans cesse. Suis-je un puissant fond? Si si je ne sais pas danser. Mon âme est en vacances. Je suis un corps en crise. Et puis vieillir me casse les reins. J'ai barré la porte et j'ai condamné les fenêtres. J'ai barré la porte et j'ai condamné les fenêtres. J'ai barré la porte et j'ai condamné les fenêtres. Car je sens que demain, j'ai barré la porte et j'ai condamné les fenêtres. J'ai barré la porte car je sens que demain l'enfer descendra sur ce pays d'hiver. Lorsque mon cœur va fondre, les rues seront couvertes de cendres et jamais je ne serai entier ou immense quand l'enfer descendra sur ce pays d'hiver. Lorsque mon cœur va fondre, mes vies seront couvertes de cendres et jamais je ne serai entier ou immense. Je ne suis pas entier. Mon âme est transparent. Merci les gars. De rien, ça fait plaisir. Tout à fait, ça fait tout à fait différent de Mimi ouais, van der Glo qu'on est habitué d'avoir. Qui rock et, un peu plus. Oui, oui, mais en même temps, c'est une pièce qui se... Ouais, qui se porte à ça. Qui se porte à ça vraiment, oui, tout à fait. Ben, toutes les pièces ont été composées là, majoritairement à guitare acoustique pour l'album. Je pense que c'était une des raisons pourquoi ça a été dur aussi à arranger, c'est que moi, je composais ça chez nous, tu sais. Puis là, il n'y a pas de band. Là, quand t'arrives au band, le band est là. Ouais, là, c'est mou ce que t'as écrit pas mal. On dirait que t'as composé ça sur ton lit de chambre. Oui. Ben, ça brasse. Ouais, ça ressemble à ça, les gars. Bon, là, faudrait faire de quoi pour que ça soit un petit peu plus drive, un petit peu plus up-tempo. Fait que c'est pour ça que l'album a fini un peu comme ça, tu sais. Puis ça aurait pu être encore plus lent. Ben là, s'il y avait une limite, un bon manier. Ben c'est parce qu'il fallait quand même pas décoiffer tous les amateurs de Mimi Van Der Glo, c'est ça. Déjà, hein? Fait que déjà, ça a donné un coup à certains. OK. Puis, parce qu'il y en a qui ont trouvé que l'album était un peu... plus mollo. Plus mollo un peu. Oh, ouais. Mais tu sais, un bon manier, c'est ça, on vieillit, on veut faire des nouvelles affaires. Bon manier, c'est ça, il faut essayer des trucs, tu sais. Sinon, on reste tout le temps dans la zone de confort. Ben, je pense pas qu'on a dénaturé Mimi Van Der Glo sur cet album-là. Ah, oh, c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est parce que, tu sais, souvent, c'est ça, le commentaire qui revient, c'est « Wow, tu sais, les tunes, c'est plus lent, tu sais, puis c'est moins en face, tu sais, puis c'est correct aussi comme ça, je veux dire, ça permet d'avoir un spectacle plus dynamique. » Ben, il y a plus de hauteur. Ben, c'est ça. Exactement. Fait que je trouve que ça fait un spectacle plus intéressant, un album plus intéressant aussi, je pense. Ben, puis moi, je pense que tu l'as dit côté spectacle, parce que votre autre album, vous laissez pas tomber tout, ça continue de rouler, ça se mixe bien. Sinon, ouais, vous étiez tout le long dans le prélard. C'est ça. Côté, justement, les radios de Québec, quelle tune eux autres jouent en ce moment? Ben là, ils jouent, mais ça dans ta pipe. Okay. Choix à Radio X, je pense qu'ils ont Je pense pas qu'ils ont écouté les autres. Okay. Non, c'est une joke, mais je pense qu'ils ont vraiment, flashé sur cette chanson-là. Puis, ben, nous autres, ici, on l'a mis. C'est ça, tu sais. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une bonne tune. En fait, c'est un. Comment qu'il dit? Tu sais, c'est la pédale au plancher, cette tune-là. Oui. C'est l'exutoire, comme c'est ça que Richard a dit dans une entrevue au Nouvelliste. Notre drummer, des fois, quand il fait des entrevues au Nouvelliste, Il parle, Richard. Parce qu'il est beau, fait qu'on s'en sert plus pour qu'il soit beau. L'image. C'est ça, exactement. C'est sûr. C'est lui l'image du band. On le sait. Si on fait une pochette avec une face, ça va être sa face. Moi, je veux pas être dedans. Je veux dans le petit livret, là, en croquis. Avec pas une petite photo, là. Ouais. Ça aussi, tu sais, c'est un autre. Ça, c'est une affaire qui. Ben, en tout cas, ça nous regarde, nous autres, mais je pense qu'on. Moi, en tout cas, je suis vraiment tête de cochon là-dessus. Je veux pas ma face sur une pochette. Je te comprends. Des fois, tu te fais dire, ouais, mais on vous connaît pas, votre visage, là, ce serait le fun, tu mettes ton visage sur la pochette. Ben, et viens. Non! Ben, viens nous voir en show, si tu veux nous voir. Encore une photo de Ben, c'est pas si pire, ouais. Mais une face, une moi, je face. Trouve que c'est le début de la fin, personnellement. Ouais, là, c'est ta carrière solo qui commence. T'imagines-tu, là, nos quatre, les cheveux dans le vent, bel éclairage, tout le petit qui soleil. Regarde pas ouais, à la même place. Non, c'est là, ça, vous exactement. Êtes avec un regard un beau, diffus. Là. Oh, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu des pochettes de même, c'est ça? Je pense que ce serait du nouveau. Là. Justement, par rapport à cet album-là, mettons, parce que vous pouvez en faire une autre, mais on pourrait se quitter tantôt avec une petite pièce. Quelle pièce t'aurais le goût qu'on découvre? On va l'essayer. Parce que moi, tant qu'à vous avoir acoustique, j'ai le goût d'en profiter. D'en profiter pas mal. Ben là, un peu. OK. Oui. Quand on s'est rencontrés, on s'est embrassés. Avant que nos deux mains se touchent et qu'elles ne fassent plus qu'une seule et même entité forte soudée par le choc. Un peu plus et c'est là qu'on explose. Un peu plus et puis c'est drôle. Les neiges, la vitre, la carrosserie déglingue, la vis, ça sent la gasoline. Comme si JM avait créé une ligne de parfum bon marché, destinée à ce qu'on s'aime, comme un accident de char, comme un accident de char, comme un accident. Estin, les forces sans le volant, chacun à bout de souffle. Notre nature dans une course, comme si nos corps n'étaient qu'une seule et même entité forte soudée par le choc. Un peu plus et c'est là qu'on explose. Un peu plus et plus c'est drôle. Les neiges, la vitre, la carrosserie déglingue, la vis, ça sent la gasoline. Comme si JM avait créé une ligne de parfum bon marché, destinée à ce qu'on s'aime, comme un accident de char, comme un accident de char, destinée à ce qu'on s'aime, comme un accident de char, comme un accident de char, comme un accident. Comme si nos corps n'étaient qu'un froissement de tôle, destiné à ce qu'on s'aime, destiné à ce qu'on s'aime, destiné à ce qu'on s'aime, destiné à ce, destiné à ce, destiné à ce qu'on s'aime, comme un accident. Wow, merci. De rien. Excellent, c'était Accident de char. Tantôt, ouais, j'ai commencé l'entrevue un peu croche parce que je vous connais puis c'est que c'est compliqué faire une entrevue avec du monde que tu connais. Ça, je comprends. Vraiment, là, c'est... Parce que, tu sais, il y a plein de questions que quelqu'un qui vous connaît pas vous poserait. Moi, c'est comme, je trouve ça cave de vous les poser. Mais c'est qui, Mimi Van Der Glo, pour ceux qui vous a jamais entendu? Si tu restes à Trois-Rivières, c'est sûr qu'on vous a déjà entendu. Mais mettons, les personnages, c'est qui fait quoi? Dans le band, tu parles? Ouais, ouais, du band. Exactement, les membres du band. Parce que tantôt, on dit Richard, on dit ouais, David. Ouais, c'est ça. Moi-même. Les gens savent pas qui, quoi. Moi, je suis posé de me présenter en dernier. Okay. David Godet. Ça, c'est moi. Guitare électrique. Yeah. Lead, back, vocal. Yeah. Et style aussi. Style rock. Le ouais. Style rock aussi, ah, vraiment, ouais. Puis sur le moniteur, ça, c'est Dave. Le pipe. Les gros bras. Le pipe. Le plus gros bras du band. Ouais. OK, c'est que c'est lui. Il y a Pascal. Pascal qui est là en ce moment, Pascal. Ouais, hein. Qui est là, qui prend des photos, qui filme. C'est parfait, ça. Et Pascal qui joue de la basse, qui est aussi un peu mon le plus grand bras droit que j'ai eu dans ma vie. Puis très, très long. Oui, qui est celui aussi qui s'occupe pas mal de tout ce qui est... Promo, et... c'est ça, booking, un peu... Paperasse un peu. Paperasse, ouais. On pourrait quasiment dire que c'est le boss. On pourrait quasiment. C'est la figure paternelle, disons. Okay. C'est celui que je veux pas faire fâcher dans le groupe. OK, c'est correct, c'est bon. Puis, il a l'air fin. Richard Godette, qui est le frère à David, oui, qui joue du drum, qui est le drummer du groupe. Okay. Qui est le plus beau. Lui, c'est le beau. Lui, c'est ouais, le beau. C'est ce que tout le monde dit. Puis il y a moi, Carl Hébert, qui est le chanteur, qui écrit les paroles, qui joue de la guitare. Puis ça a commencé comment, Mimi? Ça a commencé lors d'un match de lutte, mon gars. Hey, ça, c'est le best. Ça, c'est rock. Ouais, tu vas voir, moi, te la péter ta gueule. Hey, on va un band. Ah. Fait que c'est ça, c'était un match pay-per-view de lutte. Pascal, il m'a dit, j'ai des tunes à te faire écouter. Moi, je voudrais faire un album en français. OK. Fait qu'après ça, je suis allé chez eux. Puis, il m'a fait écouter les tunes. Ça a commencé là. On s'est pris un local. On a commencé à faire du stock. Finalement, on a fait du stock en anglais. Après ça, on s'est fait tout voler nos instruments. Puis là, on s'est dit, parce qu'on chantait en anglais, on s'est tout fait voler nos instruments. Ça, c'était dur. Vous êtes fait voler tous vos instruments? Ouais. Je savais pas ça. Moi, je me suis fait voler guitare, ampli. Pascal s'est fait voler sa bass. Moi, je me suis fait voler une guitare, puis j'étais même pas dans le band encore. T'étais dû pour y aller. C'est ça. Là, ils se sont dit, ah, Dave s'est fait piquer une guitare. T'as-tu venu faire de la musique avec nous autres? C'était toute une guitare. C'était gold, en tout cas. Aïe, aïe. Fait que c'est ça, puis après ça, quand on s'est fait voler les instruments, Pascal me regarde à un moment donné, puis il me dit, en tout cas, si on se rachète des instruments là, il faut faire des shows, il faut faire un album. Fait que tu sais, il y a tout le temps comme la partie show-album, c'est ça, urgence de jouer, on s'est racheté des instruments, puis là, on a commencé à monter plus les tunes, essayer de se trouver du monde. Puis la première vraie mouture de Mimi, je pense que c'était avec... Olivier Mathieu, oui, qui est en fait un gars qui a une maîtrise en biologie, qu'on moi, a joué la première fois. Samedi avec Olivier Mathieu. Le monde est petit. Le monde est petit, hein. Puis, mais la première vraie mouture là, qu'on a enregistrée, on est allé enregistrer Paul Arroy, Vert de terre. Okay. C'était avec David au drum. David qui était à la guitare là, en trio, ouais, il jouait du drum, Pascal à la bass. Puis c'est à partir de là, ces deux tunes-là, puis après ça, on est venu faire le concours ici. Assez fou. C'était pas assez fou, mais en tout cas, c'est fou, on faisait partie. Écoutez un spectacle, genre, c'est ça? Ouais. L'esprit du son, le festival ah, l'esprit oui, du son qui a duré un an, ouais, qui disparut. Puis c'est ça. Puis après ça, on est allé enregistrer Paul Arroy. Puis là, ça a commencé là. On a rencontré Sébastien Cloutier, qui est celui qui a travaillé sur le deuxième album, d'ailleurs. Qui a travaillé avec plein de monde. Il enregistre un paquet d'albums, lui, pour Candy Rat, là. Ils font de la guitare acoustique, okay, solo. Andy Mackie, là, tous ceux qui tapent sur leur guitare acoustique, là, oh oui, ils sont dans ce label-là. Bon. Fait que c'est ça, il est super bon, le gars. Fait qu'on a, c'est là qu'on a travaillé avec lui. Ben, merci. Sébastien. Mmh. Donc, je peux pas demander plus. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Puis je vous demande juste si vous faites de quoi, si vous avez un show, une nouvelle sortie, un nouveau vidéo, ouais, n'importe quoi, ben passez me voir ou écrivez-moi. Il n'y a pas trop. On va me faire plaisir de le partager avec le monde. Parfait. Qui écoute, c'est fou. Yes. C'est bon, merci beaucoup. C'est bon, tout ça va-tu, boss? Yes, le boss dit que c'est correct, fait qu'on est correct avec ça. Hey, moi, tiens, pour faire plaisir au monde, là, on va se l'envoyer, envoyer ça dans ta, mets ça dans ta pipe. C'est-tu correct, ça? C'est bon, ça. On va se quitter là-dessus, mais moi, je reste là, mais eux autres, ils s'en vont. Je le dis à bientôt, les gars.

Donc, premièrement, avant même qu'on se mette à déguster ça, là, on est quand même dans une université ici. Michel, on va s'éduquer un peu. Ce qu'on va déguster aujourd'hui, c'est une Ghost Beer. Mais bière B-I-E-R, là, parce que c'est, ça vient d'Allemagne à la base. Ici, elle est faite à Saint-Eustache, je pense, l'alchimiste. Mais le type de bière vient d'Allemagne. Je vous envoie un peu ce que Wikipédia nous dit. La Ghost est une bière allemande à fermentation haute spontanée. La recette a été trouvée à Goslar, dans le massif du Harz, au centre de l'Allemagne, dès 1397. Quand même, son nom provient de la petite rivière homonyme, la Gose, qui travaille Goslar. Elle aurait été également brassée à Leipzig dès 1738. En tout cas, sa présence y est documentée à partir de 1824. Elle y fut très appréciée jusqu'à devenir en 1900 la boisson emblématique de Leipzig, la plus consommée. Elle s'est répandue aussi à Halle et à Dessau. La Gose procède à une fermentation alcoolique classique complétée d'une fermentation bactérienne dégageant de l'acide lactique. Donc, d'habitude, ça fait pas ça, une bière. On une bière, des fois, on rajoute du lactose, mais là, c'est un acide lactique. D'où une saveur réellement très différente de celle des autres bières allemandes. Moins amère, plus douce, mais avec une légère acidité. Donc, ça fait spécial un peu. En cela, est analogue un peu au lambic belge, spécialement la gueuse. On nous dit que le nom, la gueuse, pourrait peut-être venir de la gauze. Justement, on voit le type qui y ressemble. Le malt est en grande partie à base de blé. Et ce qui est le spécial de ça, c'est qu'un peu de sel vient aussi dans l'élaboration de l'eau. Et pourquoi du sel? C'est qu'à la base, la gauze, c'est une rivière salée. La rivière qui passe en Allemagne. Donc, la bière, les Allemands utilisaient une eau salée pour la brasser. Donc, cette bière-là a un goût salé. Ce qui est assez rare dans une bière. D'habitude, c'est rare qu'on déguste ça. On nous dit aussi qu'elle est... En plus, parfumée un peu de coriandre, ce qui fait qu'en Allemagne, elle n'est même pas définie comme une bière au sens strict dicté par le Reichsbiergott. Je ne sais pas, mon allemand est vraiment mauvais. Et elle a failli disparaître dans la seconde moitié du 20e siècle. La seule brasserie de Gose qui était en marche en 1945 fut démontée et saisie par les occupants soviétiques et toute production cessa. Un brasseur artisanal relança donc une production à petite échelle en 1949, mais l'expérience s'arrêta en 1966. Il fallut attendre 20 ans avant que la Gose réapparaissent à l'initiative d'un professeur qui ouvrit en 1986 à Leipzig une taverne spécialisée appelée le Hoden Bendenken et qui faisait brasser selon la recette traditionnelle de la gose en combinant de la brasserie de Berlin-S. Donc là, ça continue, il y a beaucoup d'informations. Et le plus important, ce serait peut-être de l'essayer, cette bière. On a hâte. On va baisser la trame, comme à l'habitude. On va s'ouvrir. Check, on va faire différent aujourd'hui. On a deux débouches. Tiens, tu vas même t'ouvrir ta bière. Ici, je te donne un beau verre. Hein? Et puis, on va s'ouvrir ça tranquillement, les amis. Et on en parle. Ce qui est le fun, c'est que Michel est là. On va pouvoir avoir vraiment plus d'informations. Moi, je vais vous faire un plaisir, là, et surtout me faire plaisir. Il faut l'entendre. On n'a pas entendu grand-chose. Ça sent... vraiment pas la bière habituelle. Ça sent pas la Molson. Bière voilée, non filtrée. Il y a beaucoup de stock dedans. Belle mousse, par exemple. Il y a beaucoup de stock dans le fond. Et c'était prévu. Donc, au premier regard, moi, j'ai pas de colle de mousse parce que je l'ai trop versé tranquillement. Et... j'ai amateur, vraiment un véritable amateur. Une chance que je suis arrivé. Une chance que t'es là, ça met un peu de professionnalisme. Donc, je te dis, à la tienne, on déguste, on essaie ça. OK. Mais tu vois, la mousse est déjà pas mal en fini. Oh! Très acidulé. Oh! Ah, je sens quasiment, c'est vrai que c'est épicé. Oui, et moi, ça me fait penser à un jus d'agrumes, presque. Ouais. Ça ressemble à un jus d'orange qui ont oublié de sucrer. C'est parce que t'as parlé de coriandre. Oui. J'essayais de le goûter, puis... Mais ça, la coriandre, il faut le dire, c'est dans la recette traditionnelle. Là, ici, on est quand même avec une bière qui est faite par l'alchimiste. Est-ce qu'eux ont employé la coriandre? C'est à voir. Cette bière s'appelle justement la Ghost Beer. C'est pour le Oktoberfest des Québécois du 6 au 8 septembre à Repentigny. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui même, à l'Université Laval à Québec, eh bien, il y a l'Oktoberfest commence. Et puis, c'est commandité par l'alchimiste. Donc, ça peut être assez intéressant. C'est acide puis piquant, mais c'est, c'est pas dur. Hein? On fait pas... Non, c'est ça, mais c'est là. C'est acide comme un jus d'orange, je trouve, un peu. C'est, et le look, ça ressemble à un jus d'orange aussi au look. Ça passe bien. Ça passe très, très bien. Combien de pourcentage d'alcool? Ouais, j'ai même pas parlé. On nous dit que c'est une ale surette. C'est vrai, un peu surette. À 4,7. Donc, une petite bière légère de journée, comme ça. Et il faut le dire, hein, on boit avant midi, donc vous pouvez vous en ouvrir une. Journée chaude, là, tu peux en enfiler plusieurs. Oui, c'est ce que je m'en allais dire. Pour une bière de l'Octoberfest, moi, je me dirais que c'est une bière d'été parfaite. Mm-hmm. Tu sais, sur le bord de la piscine, à l'ombre d'un bel arbre, en relaxant. En bonne compagnie. En bonne compagnie, de la bonne musique. C'est vraiment une bonne bière. Je vais aller vers Rate a Beer. Je vais envoyer des critiques. Puis si tu trouves que oui ou non, tu interviens avec moi. Rate Beer, qui est un site où on cote les bières, toutes les bières du monde. Donc, on va aller voir la critique de Awake. Lui a critiqué seulement 27 bières. Il y en a qui en ont critiqué 8000, 700, 2000. On va essayer avec une petite critique comme ça. Il dit que lui, il l'a goûté en fût aux fêtes gourmandes de Saint-Jacques. Il dit que c'est une bière blonde très pâle. Non. Mais lui, il l'a bu en fût. Hein? C'est pas la même chose. Il dit on sent la présence d'herbe, mais on goûte très peu la présence d'herbe. Ouais, ça, c'est vrai. Raison, ouais. Il dit je pourrais même pas dire si la bière a été brassée avec de l'eau claire ou salée, tellement son goût est peu prononcé. Moi, non, je peux pas dire ça. Par contre, on sent la petite pointe de sel derrière. Mais c'est pas dérangeant, là. C'est comme un sucré salé. Oui, c'est ça. C'est un peu comme quand on mange les huîtres. Oui. On a le petit arrière-goût de sel en arrière. Oui, quand t'envoies un petit peu de citron dans une huître, c'est vrai. Ouais. Puis ça serait une bonne bière à manger avec des huîtres, à boire avec des huîtres. Je pense qu'en fin de semaine, je vais passer à ça. En passant, là, c'est le temps des huîtres. J'en ai acheté la semaine dernière. On était le 24. En tout cas, les huîtres avaient 3 jours. Il avait été pêché le 3. Il était hallucinante, fraîche, c'était pas cher. Allez voir votre poissonnier puis regardez les dates. Bon, mais fiez-vous pas dessus, en fait. Oui, OK. Fiez-vous pas au prix des huîtres. Regardez les dates, pour vrai, parce que c'est là que ça se passe si vous voulez vraiment une belle expérience. On va aller voir, lui, un homme qui en a critiqué 2718 bières. Il est encore en vie? Ça a l'air que oui. Il nous dit que c'est une bouteille de 341. Lui, il l'a pas bu en fût, donc c'est correct. Bière blonde dorée foncée, un peu trouble, qui ne fait pas de mousse. Moi, c'est exactement ce que j'ai eu ici. J'ai un verre de jus d'orange. Ça n'a pas duré longtemps, la mousse. Non, non hein? Non. C'est parce que t'es efficace, mais c'est elle qui tient pas le coup. Donc, un nez simple de vieux lait ou de yogourt nature. Moi, je dirais... Un peu de yogourt, peut-être, là, mais... Mais pas vieux lait, dans non, le sens... Non, mais non. C'est ça, peut-être, le petit côté lactique et citrique, là. Le petit côté, tu sais, passé date, tu sais, du lait qui passe date, il y a un petit côté citrique, là. Il y a un petit côté acidulé. Mais c'est pas désagréable du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu sais, quand Xavier m'a parlé de la bière, il m'a dit, ça veut pas dire que tu vas triper. Ben, j'aime cette bière-là. Moi aussi. Je peux pas dire... Je suis surpris. Vraiment. Moi aussi, parce que Xavier sait qu'est-ce que j'aime. Et il voulait me faire... On hésitait tantôt, voir est-ce qu'on goûte une IPA. Mais de ce temps-ci, on boit que ça, des IPA, puis on en a autour. Tout le monde boit des IPA, tous les types de IPA. De me faire découvrir une bière comme ça, avec un goût qui goûte à aucune autre bière. Parce que disons, quand tu la regardes, tu dis, moi, j'en boirais pas 2-3. Mais finalement, on serait capable. Hein? Absolument. Donc, si on continue, il dit, la bouche est mince, liquide, ressemble à une pils. Plus à une pils qu'à une gauze. Là, je suis pas assez... non, rien à signaler, même pas de lacto, une vraie touche de sel. Donc lui, il a pas donné une bonne note, 4 sur 10. Il l'a pas vraiment, vraiment aimé. Sinon, un autre ici, Alain G, qui en a critiqué 814. Il nous dit une blonde voilée, hein, un mince voile qui flotte à la surface, un nez de blé et d'herbes salines et de pain au levain. Faut que j'essaye, là. Moi, je trouve pas qu'elle avait... D'habitude, j'ai des bières, là, ça sent la céréale. Je trouve pas que cette bière-là dégage ça en première idée, là. Non. C'est vraiment, moi, c'est vraiment le moi, c'est l'agrume. L'acidité, ouais, c'est moi, ça. Ça me fait penser à l'agrume, vraiment. Puis, c'est pas des jokes. Au look, ça ressemble à un verre de jus d'orange, presque. Avec un petit peu de jus de pamplemousse dedans. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, jus de citron, tu sais, pour le côté un peu plus acide, là, tu sais... Ouais. Finalement, un punch d'agrumes. sinon, est-ce qu'il nous dit quelque chose? C'est pas mal ça. Il y en a plein qui disent un peu tout ce qu'il dit. Je vais aller en voir un autre. Lui, il dit « Very milky, dirty light golden with... » OK, ouais, ça, c'est vrai. Il dit que c'est une ugly bear, elle est laide. Et c'est vrai, comme Michel et moi on a dit, au look, elle n'est pas tant appétissante. La pochette non plus. Non. Ça fait très bavarois, très allemand. L'étiquette, là, c'est vraiment... Ça fait vieillot, évidemment, mais vu que c'est une vieille bière, ça doit être le principe. Ça doit être l'idée hein, qu'on a en arrière. Il dit... green, bitter herb, light funk, smell a bit acidic. C'est exactement ça. Moi, j'ai bien aimé cette bière. On s'en envoie une autre petite gorgée. Mmh. Oui, vraiment une bière avec les huîtres, là. J'y pense. J'y pense sérieusement. Sur ça, on va aller en musique. Et puis, ben, au retour, on a plein de choses. Michel va nous faire sa chronique culturelle. On pourrait la commencer presque au retour. Puis ensuite, on va recevoir aussi Francis Arsenault qui va venir nous parler du FIMU. Sur ce, eh bien, on s'en va en musique avec la formation Outek que j'apprécie bien. Oups, et ici, on a-tu 2-3 CD d'épaisseur? Donc, on va aller avec Outek et la pièce que je vous envoie, c'est la pièce FM tout de suite que j'ai bien appréciée quand j'ai découvert ça. Je vous dis, profitez-en. Nous autres, on va continuer à la bière. Oui, c'était Outek et la pièce FM. Il y a de l'action dans le studio. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30